إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم ce soir dans la salle avec nous dans le درس de la عقيدة، شرح العقيدة الواسطية بإذن عز وجل. Aujourd'hui بإذن عز وجل nous sommes samedi 24 Dhul-Hijjah 1427, c'est-à-dire le 13 janvier 2007. Et c'est le 19e cours. C'est le 19e cours. Nous avons vu la fois passée que Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, avait dit Bel yu'minuna bi anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, est en train de montrer dans ce livre, ce fameux, fabuleux livre, quel est le dogme de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Car en fait, pour être de Ahl-Sunnah al-Jama'a, ce n'est pas seulement yani une façon de s'habiller, ou là une façon de parler, ou là une façon de manger et de s'asseoir. C'est avant tout, qu'est-ce qu'on a dans le cœur, quelles sont les bases, quelle est notre aqida. C'est ça avant tout, quelle est notre aqida, quel est notre minhaj, quel est notre minhaj. Maintenant, Cheikh l'Islam veut montrer dans ce livre, c'est ce qu'il a fait. Il a montré quel est le dogme de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Il a dit Bel yu'minuna bi anna Allah azza wa jal laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ça, c'est une révision, bien sûr. Il a dit Ahl-Sunnah al-Jama'a atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala rien ne lui ressemble. Et en même temps, wa huwa as-sami'ul basir. Et il entend et il voit. Certains disent il est l'audient et il est le clairvoyant. Le clairvoyant. On avait montré que ce qui est yani, magnifique dans ce verset, c'est quoi? C'est que ce petit verset comprend deux choses très importantes. La première partie du verset, quand il dit « Laysa kamithlihi shay'un », c'est pour briser le dos des ressembleurs, ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien font ressembler les créatures à Allah. On leur dit, laysa kamithlihi, rien ne lui ressemble. Il ne ressemble à rien. Et la deuxième partie du verset, c'est pour le contraire. Pour ceux qui disent que, donc, il n'a pas d'attribut. Yani, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne descend pas, il n'a pas de main. On dit si. Il a dit, wa huwa sami'ul basir. Il s'est donné, dans ce verset, au moins deux attributs. Sami'a al-Basir, c'est-à-dire deux noms, wa huwa as-sami' al-Basir. Et chaque nom a un attribut, donc, et deux attributs aussi. Sam' ou al-Basir. D'ailleurs. Ensuite, l'yom, bi'idn la'azza wa jal, Cheikh Ali Rahmatullah a dit, فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Pardon, nous sommes toujours dans la révision. Cheikh a dit, il ne nie rien de la description qu'il s'est donné à lui-même. Ahl-Sunnah al-Jama'a ne nie rien de la description qu'Allah Azza wa Jalla s'est donné à lui-même. Et en même temps, il n'altère pas le sens des paroles révélées. Il n'altère pas le sens des paroles révélées. On avait montré comment que les innovateurs altéraient le sens des versets, ou là même des hadiths. Yani, quand il est coincé, il dit d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. D'accord, là, s'il a deux mains, ça s'appelle main. Mais ce n'est pas des mains véridiques. C'est autre chose, c'est la puissance ou la ni'ma ou quelque chose. Naam. Quand ils sont, se sentent coincés. On avait montré que Al-Sunnah al-Jama'a croit, yani, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont. Naam. Sans négation et sans faire de ressemblance et sans déformer et sans demander le comment. Et on l'a dit. Aujourd'hui, Billah Azza wa Jal, le Cheikh al-Rahmatullah a dit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. Ça veut dire, Al-Sunnah al-Jama'a n'offense pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms. Il ne l'offense pas dans ses noms. Et il ne détourne pas le sens de ses versets. Et il ne détourne pas le sens de ses versets. Quand Cheikh Ibn Taymiyyah a dit وَلَا يُلْحِدُونَ يُلْحِدُونَ Cheikh Ibn Uthaymin explique, il dit لَا يُلْحِدُونَ, c'est-à-dire Al-Sunnah al-Jama'a ne font pas l'ilhad, ça s'appelle l'ilhad. Al-Sunnah al-Jama'a ne le font pas. C'est quoi l'ilhad? Il a dit fil-lura-ti, c'est le mail, en arabe c'est le mail, le penchant. Si on penche, on va dire on a fait l'ilhad. L'ilhad, c'est le penchant, le fait de pencher. C'est pour ça que quand le musulman meurt, on lui creuse une tombe, on lui fait l'ahd. Vous savez c'est quoi l'ahd? On ne fait pas comme par exemple les chrétiens, c'est une tombe, un trou, et on fait descendre quelqu'un à l'intérieur. Mais en islam, on fait un trou, ensuite en bas, on fait de côté. On creuse de côté, on penche. De façon à ce que quand on rentre le mort, il rentre penché, il rentre comme ça, on le met par terre, il est un peu penché. C'est pour ça, a dit le prophète a dit l'ahdou lana. Nous, on a l'ahd. Nous, quand on nous met dans la tombe, on a la tombe à l'intérieur qui est un peu penchée. Donc l'ahd et l'ilhad, c'est le fait de pencher. Il a dit فَهُمْ لَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُلْحِدُونَ أَيْضًا فِي آيَةِ اللَّهِ. Al-Sunnah al-Jama'a ne font pas pencher les versets, ni les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ses attributs. C'est un sens, bien sûr, pencher ici, c'est un sens figuré. Yani, ne pas laisser les choses telles qu'elles sont, comme ça, comme qu'elles sont devenues droites. Il essaie de faire pencher un peu, là, pour déformer. Al-Sunnah al-Jama'a ne déforme pas et ne, comme on vient de dire, n'offense pas Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين. شيخ ابن عثيمين الله يرحمه آدي. Donc Ibn Taymiyyah nous montre ici que l'ilhad offenser Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms et détourner ses versets se fait ou se trouve en deux endroits, dans les noms et dans les versets. Ensuite, il a dit, هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. Il a dit, et ce qu'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, à la rahmatullah, le Coran l'a dit aussi. Le Coran l'a dit, ça veut dire Cheikh l'Islam ne l'a pas inventé de sa tête. C'est le Coran qui a dit cela. Qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Il a dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-les par ses noms. Invoquez-le par ses noms. C'est à Allah Azza wa Jal qu'appartiennent les plus beaux noms. Ou bien les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Non, quand on invoque Allah Azza wa Jal, de préférence, on l'invoque par ses plus beaux noms. Asma al-Husna. Allah Azza wa Jal n'a aucun nom qui n'est pas beau. Mais qui n'est pas le plus beau, le meilleur. Il n'en a pas. Il n'en a que les meilleurs, que les plus beaux noms. Que les plus beaux noms. Non. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. وَذَارُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Voilà l'ilhad. Et laissez ceux qui profanent ces noms. Laissez ceux qui profanent les noms d'Allah Azza wa Jal. وَذَارُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Naam. L'A'raf, sourate l'A'raf, verset 180. Cheikh Ibn Uthaymin a dit فأثبت الله الإلحاد في الأسماء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans ce verset qu'il est possible qu'on fasse profanation en ses noms. Qu'on fasse offense et en même temps profanation en quoi? On sait non, Azzawajal. Il a dit, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et laissez ceux qui profanent les noms d'Allah. Laissez-les. Ils seront yani, châtiés et rétribués demain pour ce qu'ils ont fait. Donc, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de profaner et d'offenser les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va expliquer comment on peut profaner et offenser les noms d'Allah et ses versets. Car tout le monde va dire, Alhamdoulilah, moi, classe, je ne vais plus profaner ces noms. Mais est-ce que c'est d'abord comment qu'on devient profanateur? Est-ce que c'est d'abord qu'est-ce que ça veut dire profaner ces noms? Il faut d'abord savoir la chose, connaître le mal pour s'éloigner de lui. Quiconque ne connaît pas le mal le fait. Moi, tu ne me dis pas que ça c'est haram là, je le fais. Mais quand on me montre que ça c'est haram là, cette chose là, Azzawajal ne la veut pas, ne l'aime pas, c'est là que je m'en éloigne. Ensuite, il a dit, فالإلحاد في الأسماء, on va commencer par la profanation des noms, ensuite des versets. Il a dit, فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب. Faire la profanation des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est les dénaturer. C'est dénaturer les noms. C'est les faire pencher, yani les dénaturer de leur nature et de leur vrai sens. Et il y en a des sortes. Il a cité 1, 2, 3, 4, 5, 5 sortes. Si on fait l'une des 5 choses, ça veut dire qu'on a offensé Allah Azza wa Jalla en ses noms, on a profané ses noms. Là, après, on verra la profanation des versets. Première sorte, نوع الأول. أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. Que quelqu'un appelle Allah subhanahu wa ta'ala par un nom dont il ne s'est pas appelé. Non. Allah Azza wa Jal a des noms. Il s'est décrit qu'il avait des noms. Bien une personne, elle va lui ajouter des noms comme ça de sa tête. Et comme il est interdit d'ajouter des attributs à Allah, la même chose, il est interdit d'ajouter des noms à Allah. Allah a des noms, plus de 100, comme vous le savez, plus de 99, plus de 100. Mais tu te suffis à ceux que tu connais, c'est tout. Tu n'ajoutes pas des noms de ta tête. C'est comme Allah Azza wa Jal a des attributs, tu te connais aux attributs que tu connais, qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Tu n'ajoutes pas des choses de ta tête. Tu ne diras pas, puisque Allah Azza wa Jal nous a dit qu'il a deux mains et deux yeux et deux pieds. Donc, j'ajouterai quoi? J'ajouterai qu'il a une tête et un nez et une bouche et les cils et les sourcils. Et je commence à ajouter des choses. On dit non, c'est parce que là, tu te suffis aux choses ou aux attributs qui t'ont été révélés, c'est tout. Tu ne peux jamais ni ajouter un attribut ni retrancher. La même chose pour les noms. Tu n'ajoutes pas un nom et tu ne retranches pas un nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, كَمَا سَمَّهُ الْفَلَاسِفَ عِلَّةٌ فَاعِلَةٌ. Comme les philosophes, ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils disent de lui, عِلَّةٌ فَاعِلَةٌ. Illatun fa'ila. C'est dit que c'est expliqué en arabe, mais les philosophes donnent à Allah subhanahu wa ta'ala un nom. Un nom comme ça dans la philosophie, quand ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent l'illa al-fa'ila, c'est-à-dire, c'est devenu presque mathématique, ou le scientifique. Ils donnent un mot akda qui a relation avec l'illa. L'illa, on dit la cause. Non, la cause. La cause qui fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle la cause qui fait. La cause qui crée, la cause qui... Comme ça. Naam. Et ça rentre dans offenser Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms, comme je viens de dire, c'est de l'appeler par des noms dont il ne s'est pas appelé. Comme les philosophes l'appellent l'illa al-fa'ila, et comme les chrétiens l'appellent le Père. Naam. Ils appellent Isa le Fils. Ça, c'est quoi? C'est ilhadun fi asma Allah Azza wa Jal. Naam. Allah Azza wa Jal, ils l'ont appelé le Père. Ils disent c'est le Père, le Fils, et l'autre c'est le Saint-Esprit. Naam. Alors que Allah Azza wa Jal n'a jamais été père, ni Starfallah n'a eu de femme, ni d'enfant, ni on aura. Car vouloir une femme et vouloir des enfants, c'est parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de la femme a besoin de l'homme. Et l'homme et les deux ont besoin des enfants, pour les aider pour ceci, pour cela. Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne, ni pour l'aider, ni pour le conseiller, ni pour qu'il se trompe. Il lui montre, lui, impossible. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne, ni de ses conseils, ni de ni de l'intelligence de n'importe qui. Allah azza wa jalla n'a besoin de personne. J'ajouterai ici, et il a dit, وَكَذَلِكَ لَوْ سُمَّ اللَّهُ بِأَيِّ اسْمٍ لَمْ يُسْمَ. Et il a dit la même chose comme celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala par n'importe quel nom dans lequel il ne s'est pas nommé. Non. Appeler Allah azza wa jalla par un nom par lequel il ne s'est pas nommé, ça rentre dans les péchés et dans les grands péchés. Non. J'ajouterai ici, Cheikh Ibn Rathib ne l'a pas dit, j'ajouterai, comme certains, par exemple, musulmans, quand ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa créature et masha'Allah, ils disent par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un vrai muhandis. Muhandis, c'est un ingénieur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un vrai ingénieur. Subhanallah al-Azim, cette beauté de la nature. D'autres disent, c'est un architecte. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vrai architecte. Sauf masha'Allah, comment qu'il a créé les montagnes et la mer en bas, et les cieux en haut, et les nuages. Masha'Allah, c'est un architecte. Regardez. Comment sans le vouloir, on enfonce Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle par des noms dont il ne s'est jamais appelé. Si c'était l'architecte, il l'aurait dit dans le Coran. Naam, Sami al-Ghafur, Rahman, Rahim, Louadoud est l'architecte. Il ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de l'appeler l'architecte. Naam. Certains disent aussi, par exemple, le Moudir. Ils disent c'est celui qui gère. Allah ta'ala, c'est le gérant de cet univers. Les autres disent, Allah Ta'ala, yani, c'est un génie. Je ne sais pas ce qu'ils disent, comme ça, ils inventent des noms. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Mais Al-Sunnah, yani, je l'appelle Allah Subhanahu wa Ta'ala que par les noms dont il s'est appelé. Ensuite, il a dit, wa wujhu dhalika anna asma Allah Ta'ala, anna asma Allah Azza wa Jal, tawqifiya. Pourquoi on appelle par Allah Subhanahu wa Ta'ala par d'autres noms dont il ne s'est pas appelé? La cause, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiya. Tawqifiya, ça veut dire qu'on ne peut les connaître que par le Coran ou par la Sunna. On ne peut les connaître que si Allah nous les dit ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tawfiqiya, tawqifiya, c'est le contraire de tawfiqiya. Tawqifiya, tawqif. Natawqaf. On s'arrête et on attend. Maintenant, le Coran et la Sunna. Et le contraire, tawfiq, tawfiq, ça veut dire tu fais des efforts, peut-être tu vas trouver les noms. Non, tu fais des efforts. On dit quoi? En ce qui concerne les noms, c'est pas tawfiq, c'est tawqif, tu t'arrêtes, c'est tawqaf. Tu t'arrêtes et tu attends de trouver un verset ou un hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle par le nom tel. Non. فَلَا يُمْكِنْ أَنْ نُثْبِتَ لَهُ إِلَّا مَا ثَبَتَ بِالنَّصِ. Donc on ne peut pas lui le décrire d'une chose que si on a un texte, verset, hadith. فَإِذَا سَمَّيْتَ اللَّهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّي بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ أَلْحَتَّ وَمِلْتَ عَنِ الْوَاجِبِ. Si tu nommes Allah subhanahu wa ta'ala par un nom dont il ne s'est pas nommé, tu as fait l'ilhad, tu as offensé Allah azza wa jalla en ses noms et milta an al-wajib, et tu as penché de la chose obligatoire. La chose obligatoire, c'était quoi? C'était que tu restes droit et que tu as attendu le Coran et la Sunna pour nommer Allah. Toi, tu as penché et tu as inventé des mots de ta tête. Tu as inventé des noms de ta tête, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ingénieur et l'architecte, etc. Il a dit, وَتَسْمِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّي بِهِ نَفْسَهُ سُؤُ أَدْمَ عَلَى اللَّهِ وَظُلْمُ وَعُدْوَانِ فِي حَقِهِ. Non. Appeler, nommer Allah Azza wa Jal, de nommer par un nom dont il ne s'est pas nommé, c'est premièrement, c'est être mal éduqué. Non, tu es mal éduqué. Tu as un mauvais comportement. C'est premièrement. Deuxièmement, l'olm. L'olm, c'est de l'injustice. Troisièmement, le douane. C'est de la transgression. Transgression, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? لأنه لو أن أحد دعاك بغير اسمك وسمك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك. هذا في المخلوق فكيف بالخالق. Il donne la cause. Il dit, si toi et moi qui ne sommes qu'une faible créature, si quelqu'un t'appelait, ne t'appelait pas par ton nom, tu ne voudrais pas, et tu aurais dit, il m'a offensé cette personne. Cette personne m'a offensé. Naam. Si moi, je m'appelle Mohamed, quelqu'un il m'appelle Ali, ou là il m'appelle Farid, ou là il m'appelle je ne sais pas quoi, c'est pas mon prénom celui-là. Encore c'est pire, s'il va me changer mon nom de famille. Ah, c'est pire, c'est grave. Il va m'appeler par un autre nom. Maintenant, si c'est seulement dans le prénom, je ne veux pas. D'ailleurs, si je marche dans la rue, quelqu'un m'appelle Abdelkader, je ne me retourne pas. Il me dit, c'est à toi que je parle. Il dit, pardon, moi je m'appelle Mohamed, je ne m'appelle pas Abdelkader. Il dit, non, je vais t'appeler Abdelkader. J'accepte pas. Je ne suis pas, je suis Mohamed. C'est comme ça que mes parents m'ont nommé. C'est en ce qui concerne les personnes. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est choisi les plus beaux noms, on veut l'appeler nous par un autre nom dont il ne s'est pas appelé. C'est de l'offense. Allah subhanahu wa ta'ala. Id laysa laka haqq an tusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsuh. Fa idha fa'alta fa anta mulhidun fi asma'illah. Il a dit car tu n'as pas le droit d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par des noms dont il ne s'est pas appelé. Tu n'as pas le droit. Si tu fais cela, tu as offensé Allah azza wa jalla en ses noms. Ça c'est la première sorte. Il y a cinq sortes. Je résume, il y a cinq sortes. La première sorte, appeler Allah Azza wa Jal par des noms dont il ne s'est pas appelé. La deuxième sorte de l'offense. En yunkira shay'in min asma'ihi, aks al-awwal. La deuxième sorte, offenser Allah en ses noms, c'est quoi? C'est le contraire de la première sorte. C'est-à-dire, nier un des noms d'Allah Azza wa Jal. Les premiers. La première sorte, c'est inventer un nom. La deuxième sorte, c'est nier un nom. Allah Azza wa Jal a des noms. Il a dit, je me nomme comme ça, ils m'ont dit, non, il ne se nomme pas comme ça. La première sorte, celui qui a inventé des noms, Semmallah bima lam yusmi bihi nafsuh, a nommé Allah Azza wa Jal par des noms dont il ne s'est pas nommé. Wa hadha jarrada Allah mimma sama bihi nafsuh. Alors que celui-là a enlevé Allah subhanahu wa ta'ala un nom dont il s'est nommé. Fayunkir l'ism, il nie le nom. Soit qu'il nie tous les noms d'Allah, tous les noms qu'il a Allah Azza wa Jalla, des centaines, des milliers, je ne les connais pas, il va les nier tous, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom. Ou bien, il nie un seul, tu nies un nom, ou deux ou trois, ou les mille, c'est la même chose. Tu nies un seul, ou mille, c'est la même chose. C'est comme à peu près ne pas croire en un prophète. Tu dis je crois en tous les prophètes, sauf Muhammad alayhi salam. Khalas, tu es kafir. Je crois en tous les prophètes, sauf Isa alayhi salam. Tu es kafir. Je crois en tous les prophètes, sauf Nuh. Kafir. Je crois en tous les prophètes, sauf Ibrahim. Kafir. Et comme ça. Il faut croire en tous, ou bien les nier tous. On ne peut pas choisir quelques-uns, croire en eux, et nier les autres. Naam. Naam. Wajhul ilhad fiha. أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له. C'est quoi la cause ici de l'offense? C'est quoi? C'est que puisque Allah Azza wa Jal, du moment que Allah Azza wa Jal a dit je me nomme avec ses noms, donc c'était obligé pour nous de le nommer par ses noms. Donc فإذا نفينا, si on les nie, كان إلحادا وميلا بما بها عما يجب فيها. Donc si on les nie, c'est-à-dire on a penché, on n'est pas resté dans le droit chemin, on a fait le ilhad. Le droit c'était de dire quoi? C'est de dire que je nomme Allah Azza wa Jalla par les noms dont il s'est nommé. Dès que tu as nié, ou bien tu as ajouté des noms, c'est-à-dire on a fait le ilhad. Il a dit, وَهُنَاكَ مِنْ نَسْمَنْ أَنْكَرَ الْأَسْمَا كَغُلَةُ الْجَهْمِيَةِ فَقَالُوا لَيْسَ لِلَّهِ إِسْمٌ أَبَدًا. Il y a des sectes, ou l'ayyadu billah, qui ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun nom. Aucun nom. Cette secte s'appelle le Jahmiyyah, les Jahmites. On a parlé de plusieurs fois, le Jahmiyyah. La plupart disons, des ulama ont dit kuffar, les Jahmites. Et parmi les Jahmites, il y a les roulettes. Les roulettes, c'est les plus difficiles. Dans les Jahmites, il y a ce qu'on appelle les roulettes. Ceux qui, disons, difficile à dire ça en français, le mohim, quelqu'un, roulette, ça veut dire ceux qui ont exagéré. Exagéré, ils ont dépassé les limites. Dans la secte elle-même, ce sont des exagérateurs. Ils ont exagéré, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun nom. N'a aucun nom. Non. Parce que les Jahmites en général disent disent quoi? Disent que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, mais n'a pas d'attributs. N'a pas d'attributs. Mais d'autres, comme j'ai dit, d'autres, les plus durs d'eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit même les noms, il n'a pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'a ni nom, ni attribut, c'est quoi? C'est quoi Allah subhanahu wa ta'ala? Une statue, et elle a des attributs. Une statue, on dit d'elle, elle est assez grande. Elle est assez belle, cette statue. Elle est en bronze. Elle est en or. Elle est en argile. Elle a de belles mains. Elle est kada. Là, on l'a déjà décrite. Mais maintenant, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun attribut, c'est donc la statue est mieux. Ah, la statue est mieux. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut, la statue est mieux. Non, la statue est mieux. Ensuite, il a dit, la troisième sorte. La troisième sorte, comment on peut offenser Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms. En yunkira ma dallat alayhi min sifat. فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمن هذا الاسم. نعم. Vous savez, il y a une règle qui dit que chaque nom a au moins un attribut. Au moins. Chaque nom a au moins un attribut. Mais le contraire n'est pas vrai. Mais ce n'est pas chaque attribut a un nom. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Mais chaque nom a au moins un attribut. Je prends par exemple les noms. Je prends comme exemple. Quand je dis Ghafour, c'est un nom. Donc Allah Azza wa Jal a l'attribut qui est quoi? Qui est le maghfira. Ah? Quand je dis miséricordieux, c'est un nom. Et l'attribut, la miséricorde. Quand je dis Allah Azza wa Jal, al-Jamil, c'est le beau. L'attribut, c'est la beauté, il a la beauté. Quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala, al-Sami', celui qui entend. L'attribut, c'est al-Sama', c'est l'ouïe. Quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir, il voit. Je lui donne un attribut, c'est quoi? La vue. Quand je dis Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, n'importe quel nom que je donne à Allah subhanahu wa ta'ala, je dois lui donner au moins un attribut. Maintenant, rentrer dans l'offense, la troisième sorte, c'est de dire, je reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala a un nom, mais je ne lui donne pas un attribut. Et c'est exactement ce qu'on dit les mu'tazilites. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est mu'tazila? On dit celui-là, il est mu'tazila, c'est un mu'tazili. L'i'tizal, cette secte a commencé au temps du Hassan al-Basri, rahimahullah. Hassan al-Basri, il faisait comme ça des doros dans sa mosquée. Ensuite, une fois, certains gens qui étaient assis avec lui, ou bien une personne qui était assis avec lui, elle a demandé à Hassan al-Basri. Et celui, elle lui a demandé, quand quelqu'un est musulman, par exemple, et il fait un grand péché. Quelqu'un est musulman, et par exemple, disons, il fait l'usure. Ou là, disons, il boit de l'alcool. Il lui a dit, c'est quoi son sort? Hassan al-Basri, la Yahmou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui-là, c'est un croyant. Avec sa foi, un croyant celui-là. Et avec ce péché, il est pervers. Mais ça veut dire, s'il meurt, c'est un musulman. Qu'a dit l'autre? Il a dit non. L'autre. Il a dit non. Celui-là, il n'est ni croyant, ni musulman. Alors qu'est-il? Il a dit, il est entre deux rangs. On ne peut pas dire il est croyant, parce qu'il a bu de l'alcool, il a fait un grand péché. On ne peut pas dire il est kafir, parce qu'il dit, il a dit, il a dit, et bien sûr, s'il meurt, pour eux, bien sûr, s'il meurt, celui-là, il va partir éternellement en enfer le Eidou Billah. Donc les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, c'est tout. Mais il n'a pas d'attribut. Allah ta'ala n'a aucun attribut. Seulement des noms. Non. Ils disent par exemple, Inna Allah azza wa jal sami'a. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui entend. Mais il n'a pas lui. Il n'a pas lui. Allah subhanahu wa ta'ala alim. C'est celui qui sait tout. Mais il n'a pas le savoir, il n'a pas l'ilm. Regardez les attributs, il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala, khaliq, c'est lui le créateur. Mais il n'a pas l'attribut de la création. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qadir, c'est le puissant, le plus puissant. Mais il n'a pas la puissance, d'un qudra. Et comme ça. Donc, pour que vous connaissiez, c'est qui le mu'tazila. Il a dit ensuite, ثم هؤلاء يلحدون عفوا يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغايرة فيقول السميع غير العليم لكن كلها ليس لها معنى السميع لا يدل على السمع والعليم لا يدل على العلم لكن مجرد أعلم ils disent en ce qui concerne les noms d'Allah ce sont seulement des noms نعم السميع العليم الرحمن الرحيم الغفور ce sont seulement des noms يعني il n'y a pas de différence entre الغفور et السميع c'est la même chose le miséricordieux ou là le clairvoyant c'est la même chose الرحمن ou bien الرحيم يعني ils font pas de différence ils disent seulement des noms pourquoi parce que ils nient les attributs المشكلة ils nient les attributs نعم الشيخ الله يرحمه هادي وكل هذا غير معقول et tout ça يعني est illogique ولذلك نحن نقول et c'est pour ça nous on dit إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من صفات. C'est pour ça, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah a dit, personne ne peut dire, j'ai cru au nom d'Allah Azza wa Jal s'il ne croit pas en leurs attributs. Naam. Si on croit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sans croire en ses attributs, on n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. J'arrête une seconde parce que j'ai un téléphone urgent. Barakallahu fikoum daqiqa. السلام عليكم الله يسلمك بخير وانت كيف الحوال جزاك الله خيرا بارك الله فيك واش راك الحمد لله الله يسلمك والله بخير جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كومونسي باغ اتان لو تيليفون نعم طيب لا حول ولا قوة إلا بالله je disais نعم je disais que croire يعني croire au nom d'Allah Azza wa Jal sans les attributs est une prétention c'est seulement une prétention ça compte pas chez Allah je vous donne un exemple vous dites de quelqu'un il est fort mashallah il est fort celui-là mais il n'a pas de force À quoi ça sert que tu dises il est fort Et tu l'enlèves l'attribut qui est la force. Oh, cette personne, Mashallah, comme elle est belle, mais elle n'a pas de beauté. Subhanallah. Oh, comme elle est riche, mais pas de richesse. À quoi ça sert maintenant que tu dises d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le plus beau, qu'il est le plus ghafour, le plus rahim, le plus rahman, le plus... Et tu lui enlèves les attributs. À quoi ça sert Les attributs, c'est très très important. Sinon, ça devient des noms creux. Bien en creux. Celui-là, il est fort, il est beau, il est musclé, il est ceci, il n'a rien. Des mots creux. Non. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre que si on ne croit pas en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on croit seulement en ses noms, on n'a rien fait. Et ce n'est pas accepté de nous. Ce n'est pas accepté de nous. Donc les mu'tazila, ce n'est pas accepté d'eux. Qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a seulement des noms. Il n'a pas d'attributs. Non. Ensuite, Cheikh va parler de quelque chose de très important, mais de difficile à expliquer en français. Difficile à expliquer en français, c'est pour ça que je la saute, bi'idhni azza wa jal. Il parle de dilalat al-mutabaqa wa al-tadammun wa al-iltizam. Des choses qu'on appelle par implication, par je ne sais pas quoi, Ça, c'est un peu difficile. Je ne connais pas ces mots en français. Inch'Allah ta'ala, on les expliquera quand on parlera seulement des attributs. Ça viendra aussi dans les attributs, bi'idhni azza wa jal. Il parle maintenant النوع الرابع, la quatrième sorte de l'offense des noms d'Allah Azza wa Jal, la quatrième sorte. Il a dit, أن يثبت الأسماء لله تعالى والصفات et aussi les صفات, لكن يجعلها دالة على التمثيل. نعم. Non, ça c'est trop tard, je dis c'est pas maintenant. La quatrième sorte, c'est de croire maintenant, c'est quelqu'un qui croit au nom d'Allah. Et il croit en ses attributs, masha'Allah. Mais il l'a fait ressembler. Ils disent, par exemple, Sah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le basir. C'est le clairvoyant, celui qui voit. Et c'est un nom, je le reconnais. Et j'ajouterai, je reconnais qu'il a l'attribut de la vue. Masha'Allah. Mais il voit comme nous. Il voit comme nous. Avec les sourcils, avec le pupille. Elle est à l'intérieur, blanc, noir, comme ça. Il ferme les yeux, il ouvre. Exactement comme nous. Elle il a fait offense au nom de l'Azawajal et de ses attributs. Pourtant, il a cru en ses noms. Il a dit, il a deux noms. Il a tel nom. Il a tel attribut. Mais comment qu'il les a expliqués? Il les a expliqués en faisant de la ressemblance, en faisant de l'anthropomorphisme. Ça veut dire, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ses créatures, ou bien nous on ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, bien sûr, il a fait de l'offense, et l'offense ici, inshallah ta'ala, est très visible. Cinquièmement, cinquième sorte d'offense, أن ينقلها إلى المعبودات أو يشق أسماء منها للمعبودات. Cinquième offense, que tu dises Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, je reconnais, mais tu vas appeler des créatures avec les mêmes noms. Non. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a tel nom, mais tu vas appeler des créatures avec des noms qu'il est interdit d'appeler. Allah subhanahu wa ta'ala a certains noms que seul lui, il peut s'appeler. Comme par exemple Rahman. Si quelqu'un peut s'appeler Rahman, il ne peut pas. Il peut s'appeler Rahim. Mais Rahman, il ne peut pas. Est-ce que quelqu'un peut s'appeler Allah, Allah? C'est impossible. C'est un nom propre. Rahman, seul Allah subhanahu wa ta'ala, s'appelle Rahman. Et regardez, lorsque Moussa il imel kibdab, lorsque, au temps du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui dit, je suis un prophète, je suis un messager, il s'appelait Moussa Ilima. Je lui ai parlé de lui une fois. Il s'est marié avec aussi une femme qui a dit, je suis prophète. Elle s'appelait Soudjah. Et je vous ai dit que, elle, alhamdoulilah, elle est morte musulmane. Elle est revenue vers l'islam et elle est morte. Et lui, il a été tué au temps de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, par le djish, les soldats de Khalid ibn al-Walid. Exactement par Wahshi, radiyallahu ta'ala anhu. Celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, Moussa Ilima? Il a dit, je m'appelle Rahman, al-Yamama. Yamama, c'est un endroit où il était. Il a dit, c'est moi le Rahman. Il y a le Rahman en haut, c'est Allah. Et moi, je suis le Rahman en bas, ou du moins, de ce côté-là. Il s'appelle Rahman. Et comme Allah Azza wa Jal, seul lui, c'est le Rahman, comme Allah Azza wa Jal l'a châtié, c'est pas seulement en le faisant tuer, là. Il l'a châtié, il lui a collé un attribut qui est toujours sur lui. Il l'a appelé quoi? Al-Kizzab, le menteur. On l'appelle toujours. Jamais vous n'entendrez quelqu'un dire Moussa Ilima. Ils disent tous Moussa Ilima al-Kizzab. Moussa Ilima le menteur. Jamais Moussa Ilima tout seul. Il s'appelle, même si vous voulez chercher dans les livres, vous devez chercher Moussa Ilima al-Kizzab. Subhanallah, pourquoi? Il a menti dans une chose très très grave. Il s'est fait appeler par une chose dont seul Allah se fait appeler. Donc, Allah lui a donné un châtiment spécial. De lui coller, exclusif à Allah, exclusif, non, un nom exclusif à Allah. Il a voulu le prendre pour lui. L'Azul l'a châtié, il l'a appelé le menteur, et c'est resté comme ça. Agda, ça va rester jusqu'à le jour du jugement dernier, Moussa Ilima al-Kizzab, c'est pas Moussa Ilima, Moussa Ilima al-Kizzab, pour avoir dit, je m'appelle Rahman. Donc l'offense, la cinquième, c'est d'appeler certaines créatures par des noms exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ilah. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, Quraysh? Ils ont dit, Allah, on va lui donner le féminin. On va lui dire, allat. Allah, c'est masculin pour Allah, et féminin pour la déesse, la femme. On dit, on l'appelle allat. Au lieu de dire Allah, on dit allat. D'où ils l'ont pris? Ils l'ont pris de Allah. Subhanallah al-Azim. Il n'y a pas une grande offense plus grande que celle-là. Allah, on en prend son nom, on lui ajoute quelque chose, on lui ajoute un T, on dit ça c'est féminin. Let. Et comme? Et bien sûr, c'est une déesse, ils l'appelaient Let. Et ils avaient une autre déesse, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'Aziz. Donc, la déesse, on va l'appeler l'Uzza. Féminin, l'Uzza, l'Lat ou l'Uzza, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, l'Lat ou l'Uzza. Hada, c'est, comme je viens de dire, il n'y a pas plus grand offense peut-être que ce que ont fait ces gens-là. Il a dit, هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله. C'est ça, les cinq différentes sortes de offenser Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدا. أهل السنة والجماعة jamais, au grand jamais, n'offense Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms. Parce qu'Ahl Sunnah wal Jama'a ont éduqué. Ils ont un bon comportement. Ils ne disent que ce qu'a dit Allah dans le Coran ou ce qu'a dit le prophète alayhi sallam dans un hadith sahih. Dans un hadith, je dis bien, authentique. Les hadiths qui ne sont pas vrais, il y en a des milliers. Et les hadiths qui sont forgés, fabriqués, des centaines, si ce n'est pas des milliers aussi. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a ne parle qu'avec le verset expliqué d'après la compréhension et Salaf Salah, et le hadith qui est authentique, ou du moins qui est bon, expliqué aussi par qui ? Par Salaf Salah, et non pas par notre propre explication. Nous qui sommes des ignorants, des faibles, des malades, il est impossible que nous puissions, avec notre niveau comme ça bas, expliquer un verset ou un hadith. Si ce n'est que, qu'est-ce qu'on fait nous ? On répète seulement ce qu'ont dit les ulama. On répète comme des perroquets, en disant ceci, en disant cela. Jamais on ne peut, quelqu'un de nous ne peut prétendre que je lui donne un hadith comme ça, il va l'expliquer de sa tête lui-même. Que je lui donne un verset, il va me dire, moi je vais l'expliquer. Non. Et pourtant, il y en a des gens qui le font. Non. Tout ça, c'est quoi? C'est l'offense de Allah subhanahu wa ta'ala en ses noms. Deuxièmement, grand 2, et tout ça, c'était petit 1. Maintenant, grand 2, c'est donne-moi son nom, Faqir Allah, donne-moi son nom. Grand 2, c'est l'offense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses versets. Tayyib, Jazakallahu khairan. Dis-moi exactement où est-ce qu'il est, c'est tout. Maintenant, je dois arrêter une seconde pour faire le ménage dans la salle. Il y a des gens ici qui font des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça que j'ai toujours demandé aux sœurs qui rentraient dans la salle de bloquer leur PV. Celles qui ne savent pas, elles apprennent. On rentre. Action là-bas et on bloque les PV. Maintenant, si quelqu'un ou la quelqu'une, une sœur, est embêtée, elle me le dit pas, demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne lui pardonne pas. Demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne lui pardonne pas d'avoir été embêtée dans ma salle, elle ne me l'a pas dit. Alors que moi, je croyais qu'elle était en train d'entendre le daf. Malik, donc je suis en train de chercher quelqu'un ici, une seconde. Il faut toujours qu'il y ait ceux qui ne sont pas bien, c'est normal. C'est normal même. Je ne l'ai pas trouvé, le faqir, hein? Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a tellement, masha'Allah, il y a des noms. Non. Si tu peux me dire où est-ce qu'il est exactement, je ne l'ai pas trouvé. Pardon. C'est tant pis. Non. Taïb. Maintenant, l'offense, dans quoi? Dans l'ayat. Et l'ayat, c'est ou bien les signes d'Allah, ou bien les versets. Je répète, j'ai dit, il y a l'offense en deux choses. L'offense en les noms, et l'offense dans les ayat. Mais ayat en arabe, ça veut dire deux choses. Ou bien ça veut dire les signes d'Allah, comme le soleil et la terre, ce sont des signes d'Allah. Ou bien, ça veut dire les versets qu'il y a dans le Coran. Cheikh Allah Yirhamou a dit, الآيات جمع آية. الآيات جمع آية. الآيات c'est le pluriel de آية. Une seule آية. وهي العلامة المميزة لشيء عن غيره. C'est le signe qui fait يعني, la différence. Le signe qui fait la différence entre cette chose et cette chose. Ça s'appelle l'آية. والله عز وجل بعث الرسول بالآيات لا المعجزات. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, ces prophètes, avec quoi il les a envoyés? Ils envoyaient avec ces signes, avec ces versets. Pardon, ces versets, c'est pas ces signes ici. Il ne les a pas envoyés avec les prodiges, mu'jizat. Les prophètes n'ont pas été envoyés au peuple pour leur faire des prodiges. Comme Moussa alayhi salam, il a jeté la canne, elle est devenue un serpent, etc. Les prophètes ne sont pas envoyés pour cela. Ils font cela, yani dans, quand ils sont dans le défi, quand on les défie. Mais ils n'ont pas été envoyés pour cela. les prophètes ont été envoyés pour apprendre aux gens le din, leur apprendre la aqida, pour dire aux gens qu'on ne doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah mérite l'adoration. Tous les autres sont des dieux qui ne méritent pas l'adoration. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم نعم. Donc ولهذا كان التعبير بالآية أحسن من تعبير بمعجزة. Il a dit c'est pour ça que alhamdulillah يعني الشيخ ابن تيمية a employé le mot آيات, il n'a pas employé le mot prodige, il n'a pas employé le mot prodige. نعم. Il a dit أولا, premièrement, pourquoi? لأن الآيات هي التي يعبر بها في كتاب السنة. Premièrement, dans le livre, le Coran et la Sunna, on trouve le mot آيات. آيات. Deuxièmement, أن المعجزات, les prodiges, قد تقع من ساحر ومشعوذ وما شبه ذلك. نعم. Les prodiges. Allah subhanahu wa ta'ala. S'il avait envoyé les prophètes seulement avec les prodiges. Il y a des gens qui ne sont pas prophètes qui peuvent faire des prodiges. Tout le monde sait cela. نعم. Il y a de certains sorciers qui peuvent te faire boire, yani, de l'eau qui devient par exemple de la glace. Ils peuvent te faire boire qu'il est en train de voler. Ils peuvent te faire boire qu'il est en train de marcher sur l'eau. Vous voyez, des fois, on ramène des sorciers, ils jettent par exemple une cravate, on voit qu'elle est devenue un serpent. Et comme ça. Est-ce que ça veut dire celui-là que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a aidé cette personne, ce charlatan, ce sorcier? C'est Allah qui l'a aidé. Allah aime cette personne, et il l'a aidé, comme il a aidé Moussa alayhi salam. C'est impossible. Soit que, les sunnah ou jama'a disent que, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit lorsqu'on voit des choses surnaturelles. Mais on doit voir, est-ce que cette personne qui a fait la chose surnaturelle, est-ce qu'elle applique le Coran et la sunnah? Non, est-ce qu'elle applique le Coran et la sunnah? Et on voit que cette personne, Masha'Allah, applique le Coran et la Sunna, Masha'Allah. Ensuite, elle a fait une chose surnaturelle. On se dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce don et l'a aidé. Et si on voit que cette personne, yani, ne fait que le haram, et en même temps, elle fait des choses surnaturelles, on se dit, cette personne travaille avec les shayatins. Cette personne travaille avec les djinns. C'est très facile de travailler avec les djinns. Non, cette personne travaille avec les djinns. Et le djinn, quand tu fais le shirk, tu fais le grand shirk, il te dit, et maintenant, tu es mon vrai fils. Maintenant, c'est moi qui vais me prosterner à toi. Maintenant que tu fais le grand shirk, et que, par exemple, tu égorges, non pas au nom d'Allah, mais au nom de moi, ou là au nom d'un djinn, maintenant, moi, si tu veux, je me prosterne à toi. Et je te travaille, et je t'apporte tout ce que tu veux. En une seconde d'ici, je vais aller je ne sais pas où, dans quel pays, je te ramène de l'or, je vole des gens, C'est ça que vous trouvez, yani, que les djinns rapportent beaucoup, beaucoup de choses aux sorciers et aux sorcières. Et bien sûr, entre parenthèses, quand quelqu'un travaille avec un djinn, jamais, au grand jamais, il ne te pardonnera qu'un jour tu le délaisses. Jamais, au grand jamais. Celui qui a accepté de travailler avec un djinn, n'accepte qu'un jour tu le délaisses. Hein, tu dis, là, je veux plus, ou là, je fais le repentir, ou là, ceci et cela. Quand tu fais le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, mais ce n'est pas facilement que lui, il va te délaisser. Il va essayer de te faire beaucoup de problèmes, de te frapper, les enfants, sinon la femme, sinon, il va faire beaucoup, beaucoup de problèmes pour l'avoir délaissé. Il a dit ici, وآية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين آية كونية وآية شرعية. Il a dit l'ayat de Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux grandes catégories. Il y a des ayat shara'iyya, ce sont les versets, et il y a des ayat kouniyya, ce sont les signes. Maintenant, il va donner des exemples. Il a dit par exemple l'ayat kouniyya. C'est tout qui a un rapport avec l'univers. Ce sont des signes. Naam. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a mis tous ces signes? Pourquoi il y a les nuages? Pourquoi il y a le ciel? Pourquoi il y a le soleil? Bien sûr, c'est pour que nous vivions, masha'Allah, parce que s'il n'y avait pas de soleil, on serait mort. S'il n'y avait pas de nuages, les gens n'auraient pas connu la route, etc. Surtout quand ils sont en mer. S'il n'y avait pas la lune, il y aurait beaucoup, beaucoup de problèmes, et comme ça. Mais aussi, c'est pour embellir, c'est pour aussi embellir cet univers. Mais ce n'est pas surtout pour cela. C'est aussi pour que tu médites. Tu te dis, subhanallah al-azim, des belles choses comme celle-là. Donc, comment doit être le créateur qui les a créées? Et puis, ces choses-là, comment se fait-il? Sont-elles venues d'elles seules? Elles se sont créées elles-mêmes? Ou bien, en un jour, elles n'y étaient pas, ensuite elles sont venues comme ça toutes seules? Et le soleil, il est là, il ne se trompe jamais de chemin, toujours de l'est vers l'ouest. Jamais il se trompe, il vient de l'ouest. Jamais il n'est venu du nord. Pourquoi il ne vient pas le soleil du nord? Il vient seulement de l'est, il va seulement à l'ouest. Pourquoi on ne l'a jamais vu venir de l'est? Ensuite, il arrive au-dessus de notre tête, zénith. Ensuite, il part vers le nord. Pourquoi il ne fait jamais ça? Et pourquoi il ne tombe pas? Pourquoi il ne tombe pas? Il n'est pas posé sur des piliers. Pourquoi il ne tombe pas? Donc, en méditant, tu dois dire quoi? Tu dis Subhanallah, Subhanallah al-Azim, Subhanallah, Subhanal Khaliq, Subhanalladhi khalaqahum, Subhanallah. Non. Donc, il y a un but aussi, ça aussi, c'est aussi un but des créations de ces signes. Maintenant, il va parler de quelques signes. Il a dit, par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Et de ces signes, parmi ces signes, ou là, parmi ces merveilles de la création, il a dit la nuit et le jour. Le soleil et la lune. La nuit et le jour, si seulement tu méditais comment on passe de la nuit au jour et du jour à la nuit, et comment le jour, on a, masha'Allah, la force, on se sent, on peut travailler, etc. Et comment la nuit, on se sent fatigué, on veut dormir. Et déjà, ça donne un sujet à méditation, à grande méditation. Celui qui médite, il comprend quelles sont les grandes faveurs de quoi? De la nuit. Et imaginez qu'il n'y ait que le jour. Qu'il n'y ait que le jour. Imaginez qu'il n'y ait que la nuit. Non. Toute ta vie, c'est la nuit. Toute ta vie, c'est le jour. C'est impossible. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Non, dites, est-ce que vous voyez si Allah subhanahu wa ta'ala va faire jusqu'au jour du jugement dernier toujours la nuit? Parce que dans le deuxième verset. Et que pensez-vous si Allah va faire d'ici au dernier jour toujours le jour? Allah subhanahu wa ta'ala dit. Yani, ce serait très difficile pour nous. Très très difficile. Et parmi ces versets aussi, il a dit وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Regardez un autre signe. Et parmi ces signes, il vous a créé de terre. Puis, vous voilà des humains qui se dispersent. Ils dispersent comme ça dans le monde. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a voulu nous créer, il a demandé à Jibril alayhi salam de descendre dans la terre et de lui ramener de la terre d'un peu partout. Et ceux de vous qui connaissent la campagne, qui ont l'habitude d'aller à la campagne et de voir la terre dans des pays différents, ont remarqué que la terre n'a pas la même couleur. Non, certaines terres sont noires, l'autre un peu jaune, l'autre tu la vois rouge. Il y a des terres noires, noires. C'est pour ça que tu remarques, toi, la pomme de terre n'est pas la même. Des fois, la pomme de terre, elle est jaune. D'après la terre où elle était enfouie, elle était jaune. Des fois, elle est rouge, à cause de la terre rouge. Des fois, elle est noire, la pomme de terre. Tout le monde a remarqué cela. Maintenant, quand Jibril alayhi salam a rapporté à Allah subhanahu wa ta'ala cette terre de différentes couleurs, il lui a ajouté l'eau, ça a donné de l'argile. Ensuite, il a créé Adam alayhi salam. Il a créé d'argile. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé l'âme, bien sûr. Donc, Adam alayhi salam, après, Allah Azza wa Jalla a fait sortir Hawa de son aisselle, a fait sortir Hawa, et se sont accouplés et donné des enfants. Les enfants, c'est nous. Pourquoi nous? On n'a pas la même couleur. Celui-là est brun et l'autre est noir. Celui-là est un peu jaune, comme un Asiatique. Un Asiatique, il est jaune. Vous remarquez les Chinois, etc. Il a la peau jaune. Et les autres, les Indiens, on dit la peau rouge. Pourquoi il a la peau rouge? C'est à cause de la terre. D'après où Jibril alayhi salam a ramené la terre. Si moi je suis brun, ça veut dire à cause de la terre qui J'ai de la terre en moi qui est brune. Et l'autre, il a la terre jaune, l'autre, il a la terre noire en lui. Naam. Ça, c'est tout qui est inversé. Tout qui est inversé. Naam. Wa min ayatihi, an khalaqakum min turab. Thumma ida antum basharun tantashirun. Subhanallah al-Azim. L'Azim vous a créé deux terres, et voilà que vous êtes des humains. Alors que, on a créé deux terres. C'est pour ça que vous remarquez, dans la terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le zinc, il y a l'aluminium, il y a des centaines de choses. Il y a le fer. Et nous, tout ce qu'il y a dans la terre, il y a chez nous. Je ne connais pas bien les détails, mais tout ce qu'il y a dans la terre, il y a en nous. Même le fer. Le fer, il y a en nous. Tout le monde sait qu'on a du fer. Et des fois, on a besoin de fer. On est faible, on a besoin de fer. Tous les sels minéraux qu'il y a, ils sont chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est de terre. On est de terre. Non. Et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre, pour montrer d'autres signes, il a dit aussi, « وَمِنْ آيَتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre. Subhanallah al-Azim. La création des cieux et de la terre. Les ulama ont divergé, sont unanimes pour dire qu'il y a sept cieux, mais ont divergé pour les terres. Certains, tous disent, il y a sept terres. Pourquoi tous disent? Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Allah Ta'ala qui a créé sept cieux et de la terre, la même chose. Ça veut dire sept. Mais la divergence qu'il y a, c'est quoi? Est-ce qu'il y a sept terres, sept boules comme ça? La boule sur laquelle on est nous, une terre. Il y a une autre boule, on ne sait pas où elle est. Il y a une troisième, on ne sait pas où elle est. La quatrième, sept, comme ça. Ou bien il y a sept, ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut appeler ça, sont des étages. Des étages. Hein? Ceux qui ont étudié la géologie, etc., ça a des noms. J'ai oublié comment ça s'appelle. La première étape, ça, sept couches, naam, sept couches. Chaque couche a un nom. J'ai oublié leur nom. On les a étudiés en géographie, en géologie. Hein? J'ai oublié. C'est le moyen. Il y a une diversion entre les ulama. Certains disent non, il y a sept terres, et certains disent il y a sept couches. Il y a autre mot. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith sahih mawquf, a dit il y a sept terres, comme la terre dans laquelle on est nous. Avec chaque, dans chaque terre, un prophète, Adam et un prophète, est comme ça. Il a dit il y en a sept, comme ça. Et la plupart disent non, il y a des couches. Il n'y a pas des terres comme ça, yani, véritables. Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul connaît la vérité. Lui seul connaît ce qui est le plus juste. Il a dit, « Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayatin lil-alamin. » Et dans un autre verset, « Lil-alamin. » Subhanallah al-Azim. Et parmi ces signes, yani, c'est des signes qui doivent, que vous deviez méditer. Et si vous les méditez, vous trouverez que j'existe et que je dois être adoré. Parmi ces signes, la création des cieux de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Subhanallah al-Azim. Il a dit, « Inna fi dhalika la'ayatin lil-alimin. » Il y a en cela des preuves pour les savants. Des preuves. Naam. La variété de nos façons de parler et de nos couleurs. Subhanallah al-Azim. Regarde la variété de la façon de parler. Combien qu'on est, 4 milliards ou 5 milliards? Seulement en Inde, un seul pays, il y a plus de 2500 langues. Moi, je parle beaucoup ici avec les hindous. Il y a plus de 2500 langues seulement en Inde. Ça veut dire que moi, si j'habite ici en Inde, peut-être que mon voisin qui est en face de moi, on n'a pas la même langue. Non. Déjà, seulement par exemple en Algérie, là, vous trouvez déjà, ça commence la différence. Entre Annaba et Alger, ce n'est pas la même chose. Entre Alger et Oran, c'est pas la même chose. Annaba, c'est près de la Tunisie, une autre langue. L'ouest, Oran, c'est près du Maroc, une autre langue. Si tu vas au Maroc, c'est une autre langue. C'est comme ça. Tu vas en Espagne, c'est tout autre chose. En France, c'est autre chose. En Angleterre, c'est autre chose. Combien il y a de langues? Subhanallah. Regarde, la langue qu'on a à l'intérieur de la bouche, on a tous la même langue. Tous les mêmes dents, car pour parler pour la langue, il faut aussi les dents pour parler. Sinon, on n'a pas les dents, on parle faux. Et pourtant, on trouve des milliers de langues. Subhanallah al-Azim. Lorsqu'Allah dit, ça, c'est un de mes signes. Non. Dis quoi, moi, je suis ici dans cette mosquée où il y a beaucoup d'étrangers. Je regarde seulement comme ça des visages, je me dis, Allah, on est tous, et on a tous la même forme, on est tous des hommes, des cheveux, un nez, deux yeux, et pourtant cette personne qui est assise en face de moi, elle va me parler, je vais lui parler, on ne va pas se comprendre. Allah, on ne va pas se comprendre, non. Si tu veux, il nous faut un traducteur. Il nous faut un traducteur pour qu'on se comprenne. Non. Ensuite, il a dit, وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ. Et la différence qu'il y a dans vos couleurs, et ça peut être aussi dans vos formes. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Si c'était permis de dessiner, c'est interdit de dessiner une personne. Supposons que ça soit permis, que je vienne à toi. Je te dise, voilà, je te donne 1000 feuilles. 1000 feuilles devant toi, blanche, voilà un stylo, toutes les couleurs que tu veux. Dessine-moi 1000 personnes qui n'ont jamais existé. Il ne faut pas que ce soit des gens qui ont existé. C'est toi, de toi-même, tu vas dessiner des gens qui n'ont jamais existé. Dessine-moi 1000 personnes qui n'ont jamais existé. Tu ne pourras pas. Très, très difficile. Tu vas dessiner 1, 2, 3, 4, ensuite tous les autres se ressemblent. Il y a seulement une petite différence. Imagine que je te demande de me dessiner des milliards. C'est impossible. C'est impossible. Non. C'est pour ça que moi, des fois, subhanallah, quand je marche comme ça dans la rue, je me dis, attends, je vais voir, par exemple, là, je vais essayer. Je me dis, je vais essayer d'imaginer la prochaine personne que je vais rencontrer sans la voir, et quelle forme puis-je lui donner. Et quand je rencontre la personne, je la vois, je dis, subhanallah, ça ne m'aurait jamais venu dans l'esprit qu'elle avait cette forme. Non, c'est impossible. C'est pour ça que, et encore, les 4 milliards ou les 5 milliards qu'il y a, combien il y a de gens qui sont morts? Et combien qu'il y a qui vont venir? Et il n'y a jamais deux qui se ressemblent à 100%. Ils se ressemblent à 90%, mais jamais à 100%. Jamais. Ça, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il façonne les gens à dos. Non, ensuite il a dit, wa min ayatihi. Parmi ces signes aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, parmi ces signes, وَمِنْ آيَتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Et parmi ces signes, votre sommeil, la nuit et le jour. مَنَامُكُمْ وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Non? Et votre quête de sa grâce. بِتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent. Qui entendent, يعني, ils entendent vraiment. C'est pas tout le monde a des oreilles, mais pas tout le monde entend. Comme tout le monde a des yeux, mais pas tout le monde voit. Alors pour voir, il faut avoir le cœur qui voit, le cœur vivant. J'ai déjà dit cela. J'ai dit ici, il parle de deux grands signes. C'est quoi? C'est le fait de dormir pendant la journée, dormir pendant la nuit. Dormir la journée, c'est la sieste, et dormir la nuit. Imaginez que quelqu'un ne dorme pas. Imaginez seulement quand on a des problèmes et on ne peut pas dormir. On a des problèmes, comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'on lui avait dit, on avait dit d'elle qu'elle avait fait la zina, elle a dit 3 nuits, je ne me suis pas endormi une seconde, 3 nuits. Imaginez, à cause des problèmes bien sûr, imaginez que vous ne dormiez pas seulement 24 heures. Imaginez 36 heures, imaginez 48 heures, imaginez 56 heures, on va mourir. Pendant 3 jours, si on ne dort pas ou la 3 nuits, on va perdre plus de 5 à 10 kilos. Non, seulement en 3 nuits. Et on va couler. On va couler. On va même, pour qu'on aille à l'hôpital pour reprendre des forces. Non, seulement 3 jours. Imaginez que quelqu'un perde le sommeil, il ne va pas dormir ni le jour ni la nuit pendant un mois. C'est pour ça que dans certains centres où on prend les gens pour les faire parler, etc., de force, bon, il y a ceux qui brûlent les gens, il y a ceux qui, je ne sais pas ce qu'ils font, et il y a ceux qui ont quelque chose de spécial, ils ne te laissent pas dormir, c'est tout. Tu ne veux pas parler. Ah, je ne vais ni te frapper, ni te brûler, ni te rien faire. Seulement, je vais t'empêcher de dormir. Non. À chaque fois, tu vas essayer de faire tomber un peu la tête, je te la lève, et peut-être même je te donne une frappe. Ensuite, je reste avec toi, comme ça, 16h ou 24h, ensuite, moi, je pars, il y a quelqu'un qui me remplace. Et comme ça, 3, 4, 5, 6 jours, tu vas mourir. Tu vas demander, yani, tu diras tout. Tu diras tout seulement pour qu'on te laisse dormir une demi-heure. C'est l'un des plus grands supplices, de ne pas laisser quelqu'un dormir. Là, il va tout avouer, tout avouer. Seulement, il voudrait qu'il dorme yani, un quart d'heure. Là, il donnerait l'or du monde pour dormir un quart d'heure. Là, ça, c'est une des techniques que font maintenant les gens pour faire parler les gens. Bien. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, ومن آياته parmi ces signes aussi يريكم البرق خوفا وطمعا. Parmi ces signes, il vous montre l'éclair. Non. Pourquoi il vous montre l'éclair? Pour que tu ris et tu joues, tu plaisantes et tu dises comme il est beau cet éclair, masha'Allah, il donne une couleur, masha'Allah. Un vrai flash celui-là. Cet éclair c'est masha'Allah, un vrai flash. Pour ça qu'il donne l'éclair. Il donne l'éclair pour que tu aies peur. Pour que tu aies peur. Il donne aussi le tonnerre pour que tu aies peur. Non. Pourquoi? Comme il a dit dans le Coran, Subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Ar-ra'du bihamdihi. Wal-mala'ikatu min khifatihi. Donc, nous, quand on entend l'orage, on entend le tonnerre, et on voit l'éclair, si on avait l'iman, on aurait eu peur. On riait, on aurait eu peur. On ne sait pas après l'éclair et le tonnerre qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, le tonnerre, vous savez que c'est un ange qui s'appelle Ra'd. Le tonnerre, c'est un ange, comme a dit le prophète Hassan, qui s'appelle Ra'd. Ensuite, le tonnerre, Allah le fait spécialement pour nous faire peur. Pour que tu dises, Allah subhanahu wa ta'ala est Radbaz, est courroucé. Ce n'est pas pour rire, pour la plaisanter. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, quand il voyait seulement, je dis bien seulement, il voyait seulement des nuages venir, il avait peur. Il commençait à trembler, il rentrait dans la salle. Il commençait à faire des doigts. Quand les nuages se dispersaient, ou que la pluie commençait à tomber, il disait, alhamdoulilah, il respirait, il enlevait ses vêtements pour que la pluie touche son corps. Il enlève ses vêtements par en haut, bien sûr. Il ouvre, par exemple, s'il avait une chemise, il ouvre sa chemise. Il ouvre son kamis pour faire laisser rentrer la pluie. Quand il lui disait, pourquoi tu fais cela et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait, parce que la pluie, elle vient juste de venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ça ne fait pas longtemps, par exemple, ça, elle ne tombe pas depuis hier. Mais c'est juste les secondes où elle vient de tomber. Elle vient juste d'Allah, je voudrais qu'elle me touche. Et il l'a laissé toucher son corps, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas, si on est vraiment croyant, quand on entend le tonnerre et l'éclair et l'orage, il faut avoir peur. Non, il faut avoir peur et demander à Allah SWT de faire des doigts pour qu'il ne nous arrive rien. Ensuite, il a dit, pour terminer ici, il a dit, وَمِنْ آيَتِهِ يُرِكُمْ بَقَ خُرُطَرًا وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Et de ces versets aussi, il vous montre l'éclair et la foudre. Et fait descendre du ciel une eau avec laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort. Il a dit, il y a en cela des preuves pour des gens qui raisonnent. Là, comment qu'on raisonne? Tu raisonnes d'une façon très simple. Tu te dis, subhanallah al-azim, avant que la pluie ne tombe, la terre était désert, la terre sèche. Il y avait même des fentes, la terre elle se fend à cause de beaucoup de chaleur. Il n'y a pas la pluie, elle se fond. Il n'y a pas d'herbe. Tout est mort. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala descend une pluie et masha'Allah, en 24 heures ou la 48 heures, masha'Allah, les plantes commencent à sortir, les escargots commencent à sortir, les oiseaux commencent à gazouiller. Tout va changer et devenir vert. Masha'Allah, la terre que je voyais hier, fondue, impossible, sèche, il n'y a rien. Maintenant, elle a changé comme ça. Allah Azza wa Jalla veut te dire, il te dit, écoute, comme la terre était morte, j'ai pu la faire revivre, pense aussi à toi. Pense aussi à toi, car il y a certains gens qui disent, mais subhanallah al-azim, comment quelqu'un, après la mort, il va revivre. On lui dit, naam, il va revivre. C'est difficile. S'il y avait quelque chose de difficile, le difficile serait de te créer du néant, Tu n'existes pas et tu te crées. C'est ça le difficile. Allah a pu te créer du néant. Comment serait-il difficile pour lui pour te refaire, c'est te refaire. Naam. Comme quelqu'un m'a dit, je lui ai dit une fois, on parlait comme ça, un ami, il m'a dit, comment yani, on va mourir, on va revivre. Ah, ça rentre pas dans la tête. Il dit, comment ça rentre pas dans la tête? Il m'a dit, voilà la voiture qui est en face. Et je vais monter, je vais la frapper contre le mur là-bas. Et tu vas me dire, là, elle va te pièce détachée. Tu vas me dire, elle va revenir voiture. Tu lui dis, premièrement, la voiture est allée, qui est devenue pièce détachée, tu peux la prendre chez le taulier, acheter des pièces et la rendre nouvelle. Ça existe. Des voitures, yani, classe cabossée, elles deviennent nouvelles comme elles étaient, premièrement. Deuxièmement, tu veux toi comparer la puissance d'une personne, alaykoum salam wa rahmatullah ta'am Allah, à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il n'y a pas une ignorance plus grande que celle-là. Tu compares une personne, elle ne peut pas rendre la voiture comme elle était, tu compares à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah azza wa jalla, quand il a parlé de la création, il a dit, wa huwa ahwanu alayh, thumma yunshi'ukum Allahu an-nash'ata al-akhirah. Allah azza wa jalla dit que il vous a déjà créé une fois et il va vous créer la deuxième fois. Il a dit, wa huwa ahwanu alayh, il a dit, et c'est plus facile pour lui. Naam. Comme je viens de dire, le difficile, si c'était difficile pour Allah, c'est de te créer alors que tu n'existes pas. Et puisque tu existes déjà, et seulement tu meurs, et il te revit, c'est la chose la plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme, tu as toi la voiture, elle est devant toi, elle est tombée en panne, tu lui achètes de nouveau un moteur, et alhamdoulilah, elle marche la voiture. Mais le difficile, c'est quoi? Tu n'as rien, et tu veux avoir une voiture. Tu n'as pas, tu n'es ni un ingénieur, ni tu as les matériaux pour construire la voiture. Tu n'as ni fer, ni vitre, ni volant, ni pneu, ni rien. Et tu veux construire une voiture. Ça, c'est difficile. Mais maintenant que tu as la voiture, si elle tombe en panne, c'est très simple, très facile pour la faire marcher une deuxième fois. Mais le difficile, c'est la faire sortir du néant. Je suis en plein désert, il n'y a rien. D'où vais-je faire venir une voiture? Je la fais sortir de la terre, je la fais descendre du ciel, je la fais descendre d'un arbre, elle est sur un arbre, la voiture. Elle n'existe pas, je ne peux pas. Mais si elle était, serait facile. C'est la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ما أصبت فمن الله عز وجل أخطأت فمن نفسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je voudrais dire que pour les questions, inshallah ta'ala, aujourd'hui on va pas tarder. Barakallahu fikum. Les questions visez la aqida. Naam, la aqida بإذن الله عز وجل. يعني les questions d'abord qui ont rapport avec le dars. Les questions d'abord qui ont rapport avec le dars بإذن الله عز وجل. Bon, maintenant, Inch'Allah Ta'ala, quant aux frères, vous les posez des questions directement comme vous voulez. Ça risque que vous me posiez des questions qui n'ont rien à voir avec le DAS. Non, ça risque que vous me posiez des questions qui n'ont rien à voir avec le DAS. Je vais enlever aussi à Omhadar si elle reste avec nous. Sinon, j'en vais Inch'Allah à une autre. Donc, si vous pouvez, les sœurs, vous pouvez envoyer Omhadar et à la sœur à laquelle j'ai enlevé. J'ai envoyé une soeur, je lui dis, Oum Abdillah, si elle est toujours avec nous. Et les autres, vous envoyez, Inch'Allah Ta'ala, Al-Faqir, vous envoyez, Inch'Allah, Ibn Kathir. Vous envoyez Ibn Kathir, Inch'Allah Ta'ala, et vous envoyez à Qasi Salaf, Inch'Allah Ta'ala. Je n'ai pas trouvé Ibn Kathir, hein. je ne l'ai pas trouvé. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. تفضل إن شاء الله. بسم الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالي لا ديفيرون entre العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية. العقيدة الواسطية a deux choses meilleures que التحاوية. Premièrement, elle est beaucoup plus simple. Elle est beaucoup plus simple. Vu quoi? Vu que Cheikh l'Islam, quand il l'a écrite, c'est que, à cause des gens qui sont venus lui parler de Wafet, un juge de Wafet qui a envoyé des gens, ils sont venus lui demander et lui dire qu'on a beaucoup de problèmes en Irak, est-ce que tu peux nous écrire quelque chose, Yanni, pour nous montrer le dogme de Hassan ou Jamar? Il a écrit très vite, puis il dit ça, il a écrit très vite entre l'Asam et le Maghreb. Donc elle est bi'idna azzawajal très simple. C'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'elle a été écrite par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, wa ma adraka min Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Naam. Alors que l'Aqida Tahawiyya est un peu compliqué, surtout pour celui qui est débutant. Il ne pourra pas suivre ce qu'il y a à l'intérieur. Et deuxièmement, elle comprend quelques fautes que les ulama ont montrées. Ils ont dit, ils ont mis en garde contre certaines fautes qui se trouvent à l'intérieur de l'Aqida Tahawiyya. Et en fait, ne peut la lire que quelqu'un qui est vraiment, qui a des bases et qui est déjà calé en Aqida. Naam. Tfadla, inshallah. Autre chose. Salam alaikum. A-t-on le droit de dire que la différence entre la tribu d'Allah et la tribu de la créature est la même qu'entre Allah et la créature? Par exemple, la différence entre le visage d'Allah et le visage de la créature est la même différence entre Allah et la créature? Naam, on peut dire cela. Naam, on peut dire. Sah. Naam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, Zatuhu, son entité et son essence ne ressemblent pas à l'entité des créatures. Il y a l'essence des créatures, la même chose dans les attributs. C'est pour ça qu'il y a une règle qui dit cela. Il dit qu'elle aime, que c'est fait, quel aime fait d'être. Hein? Parler en ses attributs, c'est comme lorsqu'on parle en son essence. Comme son essence ne ressemble pas, la même chose aux créatures, donc la même chose, ses attributs ne ressemblent pas à ses créatures. Naam. Jazakallahu khair. Naam. Fadla, inshallah, prochain sou'al. Barakallahu fikoum, ne me donnez que les questions qui ont, inshallah ta'ala, rapport avec le cours, pour l'instant. Après, on va voir s'il y a du temps. Tayyib. D'accord, avant de lire la question de Umm Hajar, je dois ouvrir à Ibn Kathir qui est bloqué. Ibn Kathir, où est-ce qu'il est, Ibn Kathir? Je dois le chercher d'abord. Où est-ce qu'il est, Ibn Kathir? Ibn Kathir. Non. Ibn Kathir. Mumba. Oui, je ne le vois pas, mashallah, je ne le vois pas. الألباني ليلا طيب الألباني جاهد أبو محمد أم أمينة فيلان 68 كاينة أبو عبيدة لطيفة أبو أم عثمان أم آنس زينب عبد النصر هلال راجية يفا راجيجة أم حفصة أم مدياش أم زكريا جوا با مهدي الميستيريو أم سليمان سليمان أبو علام يفا دي زوتر جوا با طيب Om Hajarabi, salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh Khaled, pouvez-vous nous éclairer? Car il y a des gens en évoquant Allah qui disent Sidi Rabbi. Eh bien, connaissant pas arabophone, il semble que le mot Sidi veut dire Monsieur Allah Alam. Est-ce de l'anthropomorphisme? Qu'Allah vous préserve. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, a entendu quelqu'un dira à quelqu'un Sayyid, il lui a dit Sayyidullah. Il lui a dit c'est Allah qui est le Sayyid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Sayyid. On peut dire de lui qu'il est le Sayyid. Et c'est de ses noms aussi. Il est le Sayyid. Naam. C'est pas interdit qu'on dise d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le Sayyid. Naam. C'est permis. Même aux personnes, il est permis à condition qu'on sache que cette personne n'est pas une hypocrite. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qayidan ou ya sayyidi ou shayma al-qabil, faqad aghdab Allah. Faqad aghdab Allah. Donc on peut dire Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire de lui sayyid. On peut dire de lui sayyid. Bi idhnillah azza wa jal. Fika barakallah, ta'amallah, fika barakallah. Mais, au lieu de dire sayyidi rabbi, on dit sayyidun Allah. Sayyidun Allah. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prochain sou'al, inshallah, tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que de tous les noms, on retire une sifa? Naam. C'est ce que j'ai dit, je redis. De tous les noms, on retire au moins une sifa. Des fois, on peut retirer jusqu'à 2-3. Mais de tous les noms, on retire au moins une sifa. Au moins. Il n'y a pas un nom creux. Un nom creux qui n'a pas de sifa. Il n'y a pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tout nom a une sifa. Et le contraire n'est pas vrai. Ce n'est pas chaque sifa, chaque attribut a un nom. Ce n'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de Maryam, il a dit wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Nafakhna. Il a dit, on a insufflé à Maryam, on lui a insufflé de notre âme. De notre âme, c'est pas l'âme qu'il y a en Allah, hein? Notre âme qu'on a créée. Non. Il a dit, on a insufflé à Maryam de l'âme que j'ai créée. Est-ce que Allah Azza wa Jal, on l'appelle l'insuffleur? On dit, il a un nom, il s'appelle l'insuffleur. On peut pas dire. Pourtant, il a l'attribut quoi? L'attribut qui est l'insufflement. Non, on peut pas dire, c'est l'insuffleur. Et quand Allah Azza wa Jal, il a dit par exemple, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَقَادِرُونَ. Il a parlé des cieux, il a dit on les a construits, les cieux avec force. Ici, aid, c'est pas les mains, c'est la force, puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un constructeur? Bennaï, il bani, on peut pas dire. Donc comme je viens de dire, chaque nom, on lui donne une sifa, et pas que chaque sifa, on lui donne un nom. Fadwa, inshallah, prochain sual. Ça qui le tour, inshallah. قاسي سالف تفضل قاسي نعم et celui qui est après قاسي se prépare dès maintenant. Celui qui est après قاسي se prépare. Salam alaikum. Quels sont les meilleurs livres de Aqida que l'étudiant en sens doit connaître et se procurer? En général, il achète le livre de Aqida pour quelqu'un qui vient de, par exemple, de débuter ou bien qui a un niveau moyen. Il achète le livre de Aqida des ulama contemporains de l'Arabie Saoudite. Il achète l'Aqida de l'Fawzan, les livres de l'Aqida de Sheikh Ben Othaymin, les livres de l'Aqida de Sheikh Ben Baz, les livres de l'Aqida de Sheikh Ben Baz, et comme ça, de l'Ousmo, de Rahayli, Ibrahim Rahayli, de son frère. Il achète les livres de l'Aqida qui ont été écrits de nos temps, parce que de notre temps, c'est plus facile que de lire, par exemple, un livre de Aqida de, par exemple, Ibn Taymiyyah, ou là, si on n'a pas le niveau, on ne va pas bien comprendre ce qu'il dit. Mais, si on a un niveau moyen, on achète les ulama de maintenant, car eux, ils nous montrent, yani ils nous expliquent. Comme Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a créé, yani, masha'Allah, le rôle qu'il a joué, c'est pour nous montrer, yani, tellement il a facilité la aqida, tellement il a facilité le fiqh, en donnant des exemples très clairs. Donnant des exemples. Si quelqu'un de vous va lire la aqida tahawiya, il va pas comprendre un mot. Il va dire, moi, j'ai pas envie d'apprendre la aqida. Mais s'il lit les livres de Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, surtout ceux qui sont écrits en français, s'il y en a, il y en a quelques-uns, il va dire, masha'Allah, comme c'est facile. Masha'Allah, ça rentre directement au cœur. Naam. En général, donc, il commence par ses livres, bi'idhnillah azza wa jal. Fadlan, inshallah, prochaine question, il achète l'usul thalatha, les trois fondements. C'est simple et c'est masha'Allah aussi. Naam. Prochain soual, inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez dit qu'il y avait un istilaf sur l'istiwa entre Sheikh Salah et Sheikh al-Sheikh. Existe-t-il d'autres divergences de ce genre? Allah vous préserve. Ikhtilaf sur l'istiwa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire sur l'ikhtilaf sur l'istiwa. je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Non, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, quel est le khilaf qui existe, je l'ai oublié. Et puis une fois, ça fait pas longtemps, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il y avait une différence entre, par exemple, dire istawa, élevé, Allah Ta'ala s'est élevé au-dessus du trône, ou bien dire que Allah Subhanahu wa Ta'ala s'est établi au-dessus du trône. J'ai dit que c'était la même chose, il n'y avait pas une grande différence. Ensuite, en bien méditant, je me suis rappelé une chose, j'ai dit, subhanallah, il y a quelque chose qui influe vraiment dans la différence, et c'est en méditant bien que je me suis rappelé. J'ai dit, quand on dit élevé, c'est ulou, Allah Azza wa Jalla, ala. Et quand on dit istawa, on dit c'est établi. Alors, l'istiwa a khas bin l'ulou. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose, au-dessus de tout univers. L'ulou, c'est-à-dire élevé, l'élevation, c'est un attribut de zet. Alors que l'istiwa, c'est un attribut d'acte. Il y a une différence. Donc, de préférence, on dit c'est établi. Quand on dit c'est établi, on dit qu'il a fait quelque chose en plus. Il s'est établi. Tandis que quand on dit c'est élevé, l'azur est toujours élevé. Toujours élevé au-dessus des cieux, toujours. Mais il y a quelque chose en plus qu'il a fait. C'est quoi? C'est l'istiwa. L'istiwa. Naam. Le frère ajoute que c'est l'attribut d'Atiya pour faire l'Iya. Naam, naam. Je me rappelle. J'ai dit que, en ce qui concerne l'istiwa, certains disent que l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, c'est quelque chose, ou bien la plupart disent, c'est un attribut de l'acte, car il l'a fait, et auparavant il ne l'avait pas fait. Summa istawa. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, summa istawa. Ensuite, istawa. Ensuite, il a fait l'établissement. Donc, l'établissement, c'est un attribut de quoi? De l'acte. Mais certains disent que, comme Cheikh Al-Sheikh, il a dit, mais après que Allah Azza wa Jal se soit établi au-dessus du trône, il n'y a pas un délit qui dit qu'il ne s'est plus établi. C'est pour ça qu'il a dit que l'établissement qui était un attribut de l'acte est devenu en même temps un attribut de l'essence. C'est pas d'atiya. Il est devenu en même temps, c'est pas d'atiya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Prochain sujet, inshallah, tafadhal. Salam alaikum, Cheikh Chaladi. Maintenant, Om Hajar rattrape tout ce qui est passé. Est-ce possible qu'une personne pieuse fasse des miracles? Si oui, comment cette personne peut être au courant qu'elle possède ce don? Non. Est-ce possible qu'une personne pieuse fasse des miracles? Si oui, comment cette personne peut être au courant qu'elle possède des dons? Naam. Beaucoup de personnes pieuses, Allah Azza wa Jal a fait des miracles, yani sur eux. Kharaqa al-ada ala aydihim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. C'est pas eux qui le font. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur fait faire des miracles. Si oui, comment cette personne peut être au courant qu'elle possède ce don? Cette personne ne peut pas connaître ce don que s'il se passe quelque chose. Non, s'il se passe quelque chose, si cette personne, par exemple, vole, là, elle saura qu'elle peut voler, par exemple. Non, mais il faut que vous sachiez quelque chose de très important dans la aqida, c'est quoi? C'est que plus on va yani vers la fin du monde, on va vers la fin du monde, c'est plus que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant les miracles, les signes que quelqu'un est pieux, c'est quoi? C'est les songes, c'est les vrais songes, les songes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui a dit dans le Coran, « Ala inna awliya Allah » sont les personnes pieuses, les wali, « La khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayat dunya wa fil akhira. » Le bushra, le prophète alayhi wa sallam l'a expliqué dans un hadith sahih, il a dit « Al-ru'ya saliha, yaraha al-abdu salihu, autura lahu. » Maintenant, pour voir, tu es pieux, ce n'est pas les miracles. On voit qu'on est pieux. Il y a deux choses. Premièrement, le beau songe, le vrai songe, le songe qui est d'Allah. Tu vois quelque chose et une semaine après, ou là un an, ou là 10 ans, elle se concrétise. Ça, c'est un délil de la piété. Alhamdulillah. Et le deuxième délil, on est pieux, awliya Allah. Le prophète alayhi sallam a dit, dans le hadith de authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit, inna awliya Allah, alladhina idha ru'u dhukir Allah. Le wali d'Allah, l'allié d'Allah, le pieux, a dit le prophète alayhi sallam, c'est celui que, lorsque tu le vois, subhanallah l'adim, tu invoques Allah. Naam, il y a certains gens, par exemple les grands ulama, etc., les pieux, même si ce ne sont pas des ulama, on ne les connaît pas, mais ce sont des pieux. Dès que tu le vois, tu dis subhanallah, ou tu dis masha'Allah. Tu sens, yani, quelque chose dans ton cœur. Tu sens que tu es loin par rapport à cette personne. Tandis que cette personne est un wali min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il y a d'autres personnes, quand on les voit, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle l'argent, ça nous rappelle l'or, ça nous rappelle les palais, ça nous rappelle les voitures, les belles voitures. Mais les awliya Allah, quand on les voit, le prophète alayhi sallam a dit, ça te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlan inshallah, prochain sual. Fadlan. Cheikh Al-Albani, ma huwa sualuk? Quelle est la différence entre le sifa al-fi'liya et le sifa al-ikhtiyariya? Barakallahu fikum. Le sifa al-ikhtiyariya, c'est elle-même le sifa al-fi'liya. Car Allah Azza wa Jalla l'a fait avec son ikhtiyar. Il choisit. S'il veut la faire, il l'a fait. S'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Naam. Ça s'appelle sifa al-ikhtiyariya. Naam. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut la faire, il l'a fait. S'il ne la fait pas, il ne la fait pas. S'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Alors que sifa al-zatiya, c'est quelque chose qu'on ne sait pas qui est toujours en Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se sépare jamais de lui. Bi-idhna azza wa jal. Attendez une seconde, je reviens à cette question, je reviens. Cheikh Anna, sallallahu alayhi wa sallam, hal yajouz هجر الأهل والأحباب وذلك بسبب المعاصي التي يقومون بها كتشغيل الأغاني وظن الشيطان في البيت وحجة الفرح وما العام الشيطان قد ضاقت طول اليوم وقد سمعني ثم أكون معهم. نعم أنا قلت لك من قبل قلت لك لا تذهب إلى البيت وابقى هنا فأنت اخترت الذهاب اقرأ عليك قوله تعالى وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فأنت تغير من منكر ما تستطيع الشيء الذي لا تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتصبر بإذن الله عز وجل. نعم طيب رأيكم سأقول في هذه الصفة الفعلية الاختيارية صفة ذاتية صفة اختيارية نعم الفعلية الاختيارية. Je croyais que la différence entre Zatiya et Ikhtiyariya. Maintenant, on parle de Fi'liya et Sifa Ikhtiyariya. Je ne vois pas la différence. Il me paraît que c'est la même chose. Il me paraît, Allah Ta'ala Alam, c'est la même chose. Parce qu'Ikhtiyariya, c'est il veut la faire, il la fait. S'il ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Et Fi'liya, c'est la même chose quand on dit Fi'liya. Fi'liya, ça veut dire que elle n'est pas toujours avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais il les fait. Des fois, il la fait, des fois, il ne la fait pas. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Allah subhanahu wa ta'ala alamma. Je verrai encore pour être plus sûr. Pour être plus sûr, je verrai inshallah ta'ala. Naam. Prochain sual inshallah. Fadlan. Ibn Kathir, alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais savoir, Yashir, comment peut-on répondre aux sectes concernant le visage d'Allah. Ils disent qu'Allah a dit dans le Coran, Yom al-Qiyama, tout va périr sur son visage. Les sectes disent, donc même les mains d'Allah vont périr. Comment répondre à leur choubouhat? Combien d'attributs à Allah dans le Coran et la Sunna barakallahu fikum? Je réponds à la dernière question, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et la Sunna ne sont pas comptés. Et comme on dit, Bebou Sefet, Aoussa, باب الأخبار أوسع من باب الصفات. Personne ne peut compter combien Allah subhanahu wa ta'ala a d'attributs. Car chaque nom a un attribut. Et les noms ne sont pas comptés. Donc comment peut-on compter les attributs? Non. Ensuite, il y a des attributs yani, qui n'ont pas de nom. Donc il est impossible que quelqu'un puisse connaître la, yani, le nombre exact des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà les noms, et c'est difficile. Les noms, et c'est difficile. Il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas montrés. Mais pour la première shubha, hadik, ils disent que tout va périr sur son visage. Les sectes disent, donc même les mains d'Allah vont périr. Nous on leur dit, vous êtes des ignorants. Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il a dit son visage, ça veut dire Allah. Ça veut dire Allah aussi. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla il dit Tahriru Raqaba, il te dit va franchir un coup. Est-ce que tu as franchi le coup ou là tu as franchi la personne? Tu as franchi le coup. Pardon, tu as franchi la personne. Mais pourquoi il dit le coup? Car une personne ne peut pas exister si elle n'a pas le coup. Naam. Allah Azza wa Jalla ici, il parle de lui, il a dit le visage. Le visage, c'est le plus beau ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour ça que le prophète Aslam, même quand il rentrait dans la mosquée, Wa'udu bi wujhik al-karim, entre autres, il disait bi wujhik al-karim, le visage d'Allah. Mais le visage ici, ça veut dire que c'est Allah qui va rester aussi. Quand on dit son visage, visage plus Allah. Mais la différence entre nous et les sectes, eux, quand ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le visage, ils ne disent pas Allah a un visage. La différence entre nous et les sectes, nous on dit c'est Allah qui reste, et Allah employé ici le mot visage pour dire Allah, mais Allah a un visage. Eux ils disent non, Allah n'a pas de visage. Le visage c'est Allah. Et Allah, c'est... non on dit c'est pas vrai. Ici, naam, par implication, quand il a parlé de visage, ça veut dire aussi Allah. Mais Allah a un visage. Comme lorsqu'il a parlé des mains, de ses deux mains, lorsqu'il a dit Yadullah fawqa aydihim, il a dit la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Les ulama ont dit tawkid al-bay'a, c'est pour l'allégeance, le pacte de l'allégeance, pour yani, qu'il soit plus sûr. Quand tu sais que la main d'Allah est au-dessus de ta main, tu ne vas pas yani, négliger un pacte comme celui-là, tu vas avoir peur, ça. Mais en même temps les sunnites disent quoi? Ils disent Allah a deux mains. Allah a deux mains. Ici, c'est le pacte, mais Allah a deux mains. Naam. C'est pas comme les moufsadiyas. Ils disent ici, c'est le pacte. Tawkid al-bay'a. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahu yadan. Yani, kinaya an tawkid al-bay'a. Naam. Quand Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, innaka bi'ayunina. Tu es sur nos yeux. Innaka bi'ayunina. Est-ce que Nuh alayhi salam, ou la Moussa alayhi salam, est sur les yeux d'Allah? Au-dessus de ses yeux, on peut prendre une personne, la mettre sur les yeux? Non. Alors ça veut dire quoi? Comme a dit Ibn Kathir, il s'adre. Ça veut dire que on voit ce que tu fais et on te préserve. Car quelqu'un qui voit quelqu'un, ça veut dire qu'il va le préserver. Quand je vois moi mon fils, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je le préserve pour qu'il ne tombe pas du lit. Hein, je lui dis, tu es dans mes yeux, je suis en train de te voir. N'aie pas peur. Tu ne risques pas de tomber. Ça, il n'a qu'à bi ayunina. Mais, elles sont là, qu'est-ce qu'ils disent? Mais Allah a deux yeux. Ah, voilà la différence. Les autres disent, inna ka bi'ayunina, ça veut dire que Allah nous préserve, c'est tout, mais il n'a pas deux yeux. Nous, on dit non. Smahli. Ici, ça veut dire, on te préserve, mais aussi on dit, il a deux yeux. Naam. Et comme ça, dans tous les attributs, inshallah ta'ala. Fadlala notre soual, inshallah. Envoyez-moi vos questions, car les questions que j'avais sur le cours sont effacées. Quand j'ai eu une déconnexion à point, il m'a envoyé mon nouveau question par Naam. Et quoi que les frères et les sœurs qui lèvent la main, il envoie les questions de préférence pour ne pas perdre de temps, inshallah ta'ala. Salam alaykoum. Y a-t-il une différence entre aqida et tawhid? Barakallahu fikoum. J'ai répondu à cette question la fois passée. Chaque tawhid, c'est de la aqida. Et non pas chaque aqidah, c'est du tawhid. Chaque tawhid, c'est de la aqidah. et non pas chaque aqida, c'est du tawhid. Faire le tawhid, ça rentre dans la aqida. Mais la aqida, c'est plus large. La aqida, tu parles de l'intercession du prophète, alayhi sallam. Tu parles de la tombe. Tu parles des anges. Tu parles du sirat. Tu parles du paradis. Tu parles de l'enfer. Tout ça, c'est aqida. Mais tawhid, tu parles seulement d'Allah. L'unicité d'Allah, seulement. Unicité des noms et des attributs, unicité de la seigneurie, unicité de la divinité. Ça, c'est le tawhid. Mais le tawhid, c'est quoi? Le tawhid fait partie de la aqida. Mais la aqida, c'est plus large. La aqida, c'est plus vaste. Quand tu parles de la tombe, supplice de la tombe, tu parles de la aqida. Quand tu parles du bassin du prophète, al-Islam, al-Kawthar, al-Hawd, tu parles de la aqida. Quand tu parles des anges, tu parles de la aqida. Et comme ça. Tu parles de la balance, tu parles de la aqida. Et comme ça, inshallah ta'ala. Fadwa, inshallah, prochain soual. Salamu alaikum wa rahmatullah. Al-Musta'an. Est-il un nom d'Allah? Quelle est sa signification? Barakallahu fikum. D'abord, je commence par la signification. La signification de Al-Musta'an, c'est quoi? C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le musta'an. Ça veut dire, c'est à lui qu'on demande de l'aide. Hein? On dit Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, al-mas'oul. Wallahu al-mas'oul. Al-mas'oul, ça veut dire, c'est à lui qu'on demande des questions, c'est à lui qu'on demande des questions. Parfait là. C'est à lui qu'on fait des doigts. C'est à lui qu'on fait des doigts. Maintenant, quand tu dis al-musta'an, ça veut dire que on a besoin d'aide, bien sûr. Mais qui va nous aider? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aide. Allah subhanahu wa ta'ala qui aide. Naam. En ce qui concerne Musta'an, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, pour que vous sachiez une chose, je vous donne comme une petite règle. Là. Beaucoup de choses qui commencent par le mot, un mime, ne sont pas des noms. Par exemple, le musta'an, c'est pas un nom d'Allah. Le mu'in, c'est pas un nom. Le mawjoud, c'est pas un nom. Le muhyi, c'est pas un nom. Le mumit, c'est pas un nom. Le mudabbir, c'est pas un nom. Hein, beaucoup disent le mudabbir. Le mutakallim, c'est pas un nom. Le murid, c'est pas un nom. Al-Muntaqim, c'est pas un nom. Al-Nour, c'est pas un nom. Al-Tabib, c'est pas un nom. Al-Rashid, c'est pas un nom. On dit par exemple, Abd al-Rashid. On dit à un ami, Abd al-Rashid. C'est faux. Al-Rashid, c'est pas un nom. Tu dis Rashid, c'est tout, direct. Al-Rashid, comment vas-tu? Pourquoi? As-tu oublié Harun al-Rashid? Est-ce qu'on dit Harun Abd al-Rashid ou le Harun al-Rashid? Direct, Harun al-Rashid. Alors, on dit à quelqu'un Rachid, on ne lui dit pas Abd al-Rachid. Pourquoi? Il faut prouver d'abord que Rachid est un nom d'Allah pour dire Abd. Et le Hanin, est-ce un nom? Je ne connais pas ce nom, le Hanin. Enfin, je connais le Mannan. Non, je connais le Mannan. Le Hanin Inada, je ne le connais pas. Non, je ne connais pas un nom comme ça. Non. Fadal, prochaine question, Inch'Allah. Tu veux dire le Hanin, tu veux dire le Hannan, là? Tu veux dire le Hannan? Non. Le Hannan, c'est pas un nom. Il n'y a pas un délit que le Hannan, c'est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Hanan. Le Hanan, c'est un attribut d'Allah. C'est ça, fi'liya. C'est un attribut de l'acte. C'est fa'fi'liya. Il y a cela dans Dalil, ça se trouve dans le Coran et dans la Sunna. Naam. C'est un attribut de l'acte. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez dit tout à l'heure, il y a la nuit et le jour, et c'est possible qu'il y a toujours la nuit ou le jour, mais qu'en est-il du fait que dans certains endroits, naam, 6 mois. Justement, où il y a six mois de nuit, 6 mois de jour, Alhamdulillah, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Alhamdulillah, qu'il n'a pas fait que ça soit toujours la nuit, ça soit toujours le jour. Alhamdulillah. Ça, c'est à cause de la terre qui est arrondie comme ça. Et ceux qui se trouvent dans les extrêmes, ils doivent yani, passer comme ça 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Et, croyez-moi, ce n'est pas facile pour eux. Et quiconque qui ne vit pas dans un pays où il y a 6 mois de jour, 6 mois de nuit, ça va lui être très difficile de vivre là-bas. Non. Si quelqu'un va vivre là-bas, il ne pourra pas. Il faut qu'il soit né là-bas, qu'il prenne l'habitude. Car ce n'est pas yani, la nature. C'est Allah Ta'ala qui a créé ça. Mais ce n'est pas yani, le plus connu, la chose la plus normale. Ça, c'est une exception. Une exception à la règle pour montrer que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il peut faire des exceptions. Non. Partout ces 24 heures, et quand il veut faire plus ou la moins, il peut faire. Non. Ça aussi, c'est un verset. C'est un signe. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse faire 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Et il peut faire plus, bien sûr. Il peut faire plus s'il voulait. Fadl, Inch'Allah. Abu Nadir, 49 000. Prépare-toi, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh Chalabi. Je regardais un reportage il y a une heure. Il y a un médecin musulman palestinien qui disait que si on lui proposait de choisir entre son pays ou le paradis, il choisirait son pays, dans le sens qu'il est son pays. Mais comment juger cette parole? Non, cette parole est fausse. Cette parole est fausse. Et lui, il l'a dit avec une autre intention. Non, avec une autre intention que, yani, tellement il aime son pays, etc., qu'il voudrait yani, rester là pour aider les gens, etc. Mais cette parole est fausse. On doit préférer ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala. On doit toujours préférer ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là, moi je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, je ne connais pas le contexte, mais je crois qu'il voulait dire yani, que si j'avais le choix yani, pour rester ici, je préfère rester ici pour aider les gens, etc. Ça veut dire que je peux même, si je pouvais, je peux même yani, ne pas prendre le paradis. Hein, le paradis qui est beau, qui est ceci, etc. Mais allez, je ne le prends pas juste pour vous aider, etc. Yani, tellement je vous aime, tellement j'aime mon pays, etc. Mais en principe, une chose pareille ne se dit pas, Inch'Allah Ta'ala. Non, une chose pareille ne se dit pas, bi'idhna azza wa jal. Fadlan, Inch'Allah, prochain sou'ad. Abu Nadir, Fadlan. Assalamu alaikum. Il y a des gens qui disent que la foi, l'iman, est parole, croyance et acte. Et que l'acte est une condition de perfection. Il dit aussi qu'il n'y a pas de mécréance, si ce n'est pas la croyance. Est-ce que cette parole fait partie des paroles de Al-Sunna ou non? Je n'ai pas compris la fin. Et il dit aussi qu'il n'y a pas de mécréance, si ce n'est pas la croyance. Cette phrase, je ne l'ai jamais entendue. C'est la première fois que j'entends une phrase pareille. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de croyance, il n'y aurait pas la mécréance. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens croyants. Hein? Ensuite, shayatin, ijtalatum, comme dans le hadith sahih. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens de nature à yani, vouer à l'islam, vouer à la croyance. Ensuite, c'est les shayatin qui les ont tirés vers la mécréance. Non, c'est des shayatins qui les ont tirés vers leur mécréance. Et je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire par là, car c'est la première fois que j'entends cela. Ensuite, l'iman, il a dit la foi est parole et acte. Et que l'acte est une condition de perfection. Perfection, non, Shart Kamel, la perfection se divise en deux. Perfection, Kamel al-Wajib ou Kamel al-Mustahab. Et Kamel al-Wajib. Ce n'est pas Kamel Mustahab. Perfection obligée. Ce n'est pas la perfection Mustahab. Naam. Perfection obligée. Naam. Obligée. Comme a dit Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, Al-Kamal, Al-Wajib, Walis Al-Kamal, Al-Mustahab. Et non pas la perfection du Mustahab, du Mandoub. Du Mandoub. Naam. Ensuite, autre chose qui est mieux que cela, dit, quand on pose des questions par Sira, dit, toute chose que Allah Ta'ala a dit cette chose fait sortir, par exemple, de l'islam, elle fait sortir. Elle est devenue une condition nécessaire. Toute chose que Allah Ta'ala n'a pas dit n'est pas une condition. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, la yahmou. Parce que sinon, on va rentrer dans le problème qui s'appelle djins al-amal. Djins al-amal, on va faire beaucoup de polémiques et on ne va pas sortir avec un résultat. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tafaddal inshallah prochain soual. Abu Nadir, salam alaykoum. J'attends depuis le cours de lundi à Akwan, mais j'ai besoin de cette réponse. Tafaddal, c'est quoi la question? Je fais le adhan dans une mosquée avec des variations pour qu'il soit beau à l'écoute. Naam, c'est quoi la question? Mais un frère m'a repris en disant que Cheikh Abel Ahmadullah conseille à ses élèves les adhans sans variation. Parce que ça déforme les phrases et je n'ai pas trouvé des hadiths sujets. Mais depuis que je fais un adhan simple, pas comme ceux de la Mecque, mais depuis je fais un adhan simple. Naam. Wasmak Abu Nadir, le adhan, quand tu le fais, premièrement, Inch'Allah, tu le fais en la cause d'Allah. Deuxièmement, Inch'Allah, tu viendras avec un long kouyoum al-qiyama, comme c'est dans son. C'est dans le hadith sahih. Et troisièmement, il faut essayer au maximum de s'éloigner des variations. Surtout, quand c'est dans le mot Allah. La, tout ça. Surtout quand c'est dans Allah. Quand c'est dans d'autres choses, plus ou moins. Peut-être certains vont faire passer cela. Par exemple, dans le mot Salat, ou là, plus ou moins. Mais dans le mot Allah, ou le Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il faut éviter au maximum de ne pas faire de variation. Et puis le adhan, comme j'ai dit tout à l'heure, on le fait avec l'intention que, yani pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah soit ravi de nous, pour avoir de ajr. Et pas moi je le fais pour que les gens disent, masha'Allah, il a une belle voix. Ah, mais je le fais pas avec cette intention. Je le fais, yani d'une façon simple, d'une façon assez forte pour que tout le monde l'entende, c'est tout. Naam. Plus ton adhan est simple, plus il est accepté et voué à faire ravir Allah subhanahu wa ta'ala de toi. Donc je ne peux pas le faire comme à la Mecque pour Naam. Beaucoup de gens croient que, ça c'est une règle, beaucoup de gens croient que tout ce qui se passe à la Mecque, c'est ça le vrai. Naam. Ils te disent, donc, j'ai vu, moi je suis parti à la Mecque, j'ai vu les mosquées, bien embelli. Donc il est permis que j'embellisse ma mosquée. Et il ne sait pas que le prophète alayhi a dit Ida hallaytum masahifakum wa. Comment qu'il a dit il a parlé aussi de mosquée. Wa masajidakum faddamaru alaykum. Le prophète alayhi a dit dans un hadith sahih qui, Ibn Kathir, je ne peux pas lui enlever à chaque fois, Ousmak. Je ne peux pas lui enlever à chaque fois. Je dois chercher où est-ce qu'il est, m'arrêter. Chef. Naam. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith sahih, il a dit, si vous embellissez vos mosquées et vous allez mettre dans vos corons, vous allez les mettre dans de l'argent ou de l'or, etc. Vous savez, maintenant, il y a des corons. Il y a des livres comme ça du Coran, par exemple, il est plein d'or, ou il a plein d'argent tout autour. Pour les grandes personnalités qui le posent derrière le bureau, comme ça, mashallah, oré, en plein avec de l'or, ou la garni avec. Il a dit, si vous faites ça, et vous embellissez vos mosquées, damar alaykum, c'est un dua contre vous. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala vous anéantisse. Donc, je voulais dire, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dans Mecca ou dans Medina, c'est valable. Certains gens vont dire, pourquoi j'ai vu moi des gens qui habitent à Mecca et ils fument. Ils fument la cigarette. Donc c'est permis de fumer. Moi j'ai vu quelqu'un à Mecca qui fait un doua, il dit ceci et cela. Donc le doua est permis. Moi j'ai vu à Mecca par exemple, je ne sais pas ce qu'ils font. Alors cette chose est permise. Toi tu es Inch'Allah salafi, tu ne dis jamais quelqu'un est dans le juste, jusqu'à ce que tu vois ce qu'il a fait et tu le mets dans la balance du Coran et de la Sunna. Connais le Coran et la Sunna, tu connaîtras les gens qui sont dans le vrai chemin. Et ce n'est pas en voyant les gens qu'on va connaître le Coran et la Sunna. Naam. Donc toi, ne vois pas le mu'adhan de Mecca ou là, le mu'adhan de Medina ou là, le mu'adhan de n'importe quel pays. Tu vois le adhan dans la Sunna comment qu'il est, c'est tout. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل إن شاء الله فيك بارك الله الحمد لله جزاك الله خير أبو نادر الله سبحانه وتعالى أن يحشرك مع بلال يوم القيامة الله أن يحشرك مع بلال يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله est-ce que ce dire salafi est-il considéré comme une tazkiya en nafs y a-t-il une divergence sur cela entre les savants de la sunna je l'ai dit plusieurs fois que dire salafi il y a des moments où on le dit, des endroits où on le dit, et des endroits et des moments où on ne le dit pas. Naam. On le dit pour montrer que, si les autres nous disent que le plus juste c'est d'être de telle secte, on dit non, ça c'est pas vrai. Moi je suis salafi. Moi, c'est le prophète alayhi salam et c'est les compagnons. Naam. Et toi c'est, je ne sais pas qui tu suis, le chef, ton chef suprême. Naam. Tu es dans une secte égarée. Moi, je suis les compagnons du prophète al-Islam et leurs enfants tabi'un qui, eux, suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens. Mais si... Elle dit premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas toute personne qui dit je suis salafi sans dire qu'elle est salafi. Naam. Ce n'est pas toute personne qui dit salafi qu'il est salafi. Salafi, c'est pas une étiquette que tu achètes chez le pharmacien. Tu rentres chez le pharmacien, je suis salafi, donne-moi une étiquette, je vais la mettre dans mon dos. Ou là, tu vas chez le docteur, tu lui dis, donne-moi une ordonnance, je vais la coller. Là, salafi, c'est avoir la aqida des salaf salah, avoir le minhaj des salaf salah, avoir le comportement des salaf salah. C'est comme ça qu'on est salafi. C'est pour ça que plusieurs gens disent salafi, ils ne le sont pas. Et certains ne l'ont pas dit et ils le sont. Certains n'ont pas dit, je suis salafi. Il est salafi. Tu vois sa aqida, tu vois son comportement, tu vois. Il n'y a pas de différence entre lui et salaf salah. Seulement, il n'a pas dit cette phrase. Naam. Donc, est-ce que c'est ce qu'il y a? Ça dépend. Si quelqu'un veut la dire comme ça pour orgueil et je ne sais pas quoi, ça rentre dans la tazkiya, bien sûr. Mais s'il le dit parce que les autres veulent montrer que leur faux, c'est le juste, leur faux, leur égarement, c'est ça le juste, il le dit non. Vous trompez, vous êtes faux, vous. Le vrai, c'est d'être salafi, c'est pas d'être tabliri, ni d'être ikhwan muslimoun, ni d'être soufi, ni d'être chiite, ni d'être kada. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, ij'alana min salaf salih. Faddal, inshallah, Abu Ikhlas. Abu Ikhlas, faddal. Abu Maryam, prépare-toi, inshallah. Est-ce que je peux poser une question hors cours concernant la barbe? Attends un peu, Fakirla, attends un peu, Inch'Allah. Peut-être qu'il y a des gens qui ont avec le cours. Attends. Abu Ikhlas, est-ce que tu es là? Non, mais peut-être qu'il n'est pas là. Abu Maryam, 26. Abu Maryam, tafadhal. Wa alaykum salam wa rahmatullah. تفضل ابو مريم بوز لا بوز surtout quand c'est quelqu'un qui s'est converti musulman nouveau là si on l'aide pas qui est-ce qui va l'aider ما شاء الله يا deux jours ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله ما شاء الله et surtout celui qui a été la cause il est parlé celui qui a été la cause de sa conversion ما شاء الله عليه نعم Vous qui êtes en Europe, masha'Allah alaykoum, masha'Allah, si vous pouvez être la cause pour que les gens se convertissent, masha'Allah. Naam, au lieu de passer beaucoup de temps à faire la polémique et à se discuter, naam, les frères qui se disputent dans la mosquée à cause d'une sunna, celui-là il a un délit, celui-là il a un délit, ils se disputent, naam. S'ils passaient leur temps à inviter les gens à comprendre l'islam, Masha'Allah, le ajr et les récompenses qu'ils auraient, bi'idhnillah azza wa jalla. طيب, cette personne s'est convertie il y a 2 jours. Elle est paralysée au dos depuis la naissance. Il est dans une chaise roulante. Il y a beaucoup de convertis de plus en plus, chef, ici en Belgique. Masha'Allah. Ah, rak en Belgique, Abou Mariam. Ma. Naam, Masha'Allah. Tayyib, j'attends, Inch'Allah, ta question. Le problème, il ne connaît pas encore la Fatiha. Comment doit-il faire dans sa salat? Naam. Quiconque rentre en islam, je sais qu'il peut faire du takbir, c'est ce que je pense. Avoir lieu. Fadal, quand tu termines, tu m'écris numéro 1, c'est tout. Pour que je ne réponde pas alors que tu n'as pas terminé ta question. Quand tu écris numéro 1, Inch'Allah ta'ala, je répondrai. Jazakallahu khairan. Non, le problème, c'est que il connaît pas la Fatiha. Je sais qu'il peut dire des formules de takbir. Non. Quiconque rentre en islam, est obligé de commencer à apprendre le Fatiha. Naam, il est obligé de commencer à l'apprendre. Ça va lui prendre du temps, une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, ça ne fait rien. D'ailleurs, qu'il dit pour Allah, c'est là. Entre temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allahu Akbar, pour rentrer dans la salat, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est tout. Il répète ces 4. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est comme si, bi'idna ta'ala, il avait lu le Fatiha. À condition que, il essaye de l'apprendre. Il essaye, naam. Même si, s'il la lit plus ou moins déformé, c'est Allah, il ne peut pas plus que cela. Mais, pour faire la prière avant qu'il l'apprenne, il dit, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Naam. Abu Ikhlas, tu n'as pas posé ta question. Abu Mariam, tafadhal. Par rapport à cela. Oumou Kitab, prépare ta question, Oumou Kitab. J'ai d'autres choses à vous demander. Donc, il dit seulement le takbir à force de le Fatiha. Il dit pas seulement le takbir. J'ai pas dit le takbir. J'ai dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu m'entends, Abou Mariam, j'ai pas dit le takbir. J'ai dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Naam, voilà. Naam. Quand il s'assoit dans le tashahud, il dit le zikr. Il dit subhanallah, il dit alhamdulillah, il dit n'importe quoi. Il dit le zikr, il dit le zikr. Au moins, s'il peut dire, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, s'il peut. Parce que dans le tashahud, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est le plus important. S'il peut dire cela, quand il est assis. Naam, s'il peut dire. S'il peut pas, il dit un zikr. Il ne laisse pas comme ça le vide. Il dit un zikr bi'idna azzawajal. Naam. Et celui, Inch'Allah ta'ala, qui lui fait apprendre, il aura beaucoup de récompenses. J'ai encore 2 choses à demander pour lui. Naam, tafadhal. Comme a dit l'Albani, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Naam. Est-ce qu'il peut faire le taïmoum car il ne peut pas se pencher pour ses pieds, pour laver ses pieds, car il est en chaise roulante? Naam. Naam. Chauf, Wasmak, Abu Mariam, s'il peut, il peut joindre entre deux choses, c'est-à-dire, s'il peut, il fait le wudu en laissant ses pieds, parce qu'il ne peut pas faire ses pieds, car il ne peut pas descendre son dos, il ne peut pas. Donc s'il peut, on lui ramène comme ça une tasse, il fait un wudu, les mains, la bouche, le nez, les cheveux, les mains jusqu'au coude, ensuite les cheveux, les oreilles, et pour faire les 2 pieds, il fait le taïmoum à la place des pieds. Ça veut dire il joint entre le wudu, les ablutions, et le taïmoum. Il joint entre le wudu pour la partie supérieure et le taïmoum, naam, pour la partie inférieure. Mais si, je dis si c'est vraiment difficile, là, il ne trouve pas quelqu'un qui lui ramène de l'eau là, il ne laisse pas passer la salat, il l'a fait avec le taïmoum. Non. Quand il sait qu'il ne peut pas, ou là il est seul, là, il ne peut pas, c'est difficile pour lui, il l'a fait avec le tayammum et il ne la laisse pas, inshallah ta'ala, partir comme ça. Non. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. As-tu autre chose? As-tu autre chose? Une dernière question pour lui. Non. Doit-il faire le rousse car il est entré en islam? Et si oui, peut-il le faire avec le tayammum? Naam, s'il ne peut pas faire le rousse, il fait avec le tayammum. Naam, avec le tayammum à la place du rousse. Pourquoi? Parce que quand on est, avant de se convertir, on a quoi? On a ce qu'on appelle la janaba. On a la janaba, soit dans les rêves, soit avec notre femme, soit avec notre femme, je ne sais pas quoi, naam. Quand on rentre en islam, on doit enlever la janaba pour commencer la salat. Celui-là, il ne peut pas l'enlever, il est malade, donc il fait le tayammum. Il fait le tayammum à cause de la janaba pour rentrer dans la salat bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Il doit la faire, inshallah ta'ala. ولا حول بارك الله فيك جزاك الله خير وادله ان شاء الله تعالى الله تدغى ادله الله سبحانه وتعالى تدغى نعم ابو اخلاص ما فاضل ابو مريم ام لحظ ام الكتاب سبورتا كيستيون ان شاء الله تعالى نعم ام الكتاب ام سيريا بريبار تا كيستيون شيخ انا دي كيستيون qu'on nous a posé. Naam, Fadal, pose. Al-Faqir, là, pose une question, le temps que... Naam, alaykoum salam, wa barakatou, cheikh. Ainsi que tout le monde. Afoun, cheikh, question pour un frère important. Dans la législation islamique, est-ce une obligation, 1% du mot obligation, le port de la barbe avec les dadils? Naam. Et ainsi que le port des vêtements traditionnels. En France, dans un pays non musulman, comme M. Sia Barclofik, répond pour la question au sujet. Naam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ussalat wa salam ala ashraf al-mursalim. Pour la barbe, pour l'homme, c'est une obligation. Pour la barbe, pour l'homme, c'est une obligation. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de laisser la barbe. Car, vous devez savoir que comme je vous ai dit toujours, on ne s'appartient pas. Moi, je m'appartiens ni à moi, ni à mon père, ni à X. Moi, c'est Allah qui m'a créé, et tous on a été créé par Allah, et tous on appartient à Allah. Allah Ta'ala qui nous a créé, c'est pour ça que on dit Inna Lillah wa Inna Ilayhi Raji'un. Dans les malheurs, on dit Inna Lillah. C'est, nous sommes à Dieu, à Allah et à Allah nous retournerons. C'est le moyen. Puisque nous sommes Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ala lahu al-khalqu wal-amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah a dit dans le Coran, N'a-t-il pas al-khalq, la création, c'est pas lui qui crée? Ben là, c'est lui, Allah, c'est toi qui crée. Lahu al-khalqu wal-amr. Dès qu'il a dit, il a la création, il a dit, il a l'ordre aussi. C'est lui qui donne des ordres. Il t'a créé, il te donne des ordres. C'est pas un homme qui te donne des ordres. C'est Allah. C'est lui qui t'a créé. C'est lui seul qui a le droit de te donner des ordres. Et maintenant, quand il nous a créé d'une façon que on a des cheveux et des poils dans certains endroits et dans d'autres endroits, on n'en a pas. Ensuite, Allah a voulu que certains de ces poils ou les cheveux, on les enlève et d'autres, c'est interdit de les enlever. Naam. Parmi ceux qui sont interdits d'être enlevés, c'est la barbe par rapport à l'homme. Naam. Il est interdit de l'enlever. Car Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette barbe soit. Il a voulu que tu sois avec une barbe. Quand il n'a pas voulu les poils qui sont dans les parties intimes, il a dit à son prophète, alayhi salam, dis-leur, tous les 40 jours, au maximum, ils doivent enlever ça. Mais quand il a voulu que tu gardes ta barbe, il leur a dit, dis-leur de ne pas toucher la barbe, de la laisser. Donc pour l'homme, une barbe est obligatoire. Et écoutez à Harun, Qu'est-ce qu'il a dit à son frère Moussa? قال لا تأخذ برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. Ne me prends pas, il a dit à son frère Moussa. Moussa alayhi salam, quand il s'est énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il a pris son frère Haroun par la barbe. Il lui a dit لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. Ne me prends pas par la barbe ni de ma tête. Ça veut dire que déjà il avait une barbe. Il voulait montrer que tous les prophètes avaient une barbe. Et السلام عليكم ورحمة الله. Aussi à le son. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. Aussi à le son. طيب. Est-ce que bon, il reste un quart d'heure, inshallah ta'ala, pour finir. Est-ce que vous m'avez entendu parler du Qamis et de la Chéchia? Est-ce que vous m'avez entendu parler du Qamis et de la Chéchia? Deux, hein? Ça veut dire non? Non. D'accord. Wallahu a'lam. Aussi le fatir Allah. Naam. Je résume très vite. J'avais dit que les poils et les cheveux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, ça se divise en trois sortes. Il nous a donné des choses et il nous a dit il faut les enlever. Comme les poils qu'on a dans les aisselles et les poils dans les parties intimes. On ne doit pas les laisser plus de 40 jours. Il nous a donné des choses, des poils, et il nous a dit il ne faut pas les enlever. Et comme la barbe par rapport à l'homme, les cheveux de la tête par rapport à la femme, elle n'a pas le droit de les enlever, sauf si elle est malade, par exemple, de ses cheveux, ou bien, sauf si elle veut les couper, avec la condition, c'est-à-dire la permission de son mari. Elle ne peut jamais, une femme, couper ses cheveux si elle ne demande pas à son mari, premièrement. Et deuxièmement, quand elle les coupe pour se faire belle devant son mari ou ses amis, et ne pas pour imiter les mécréantes. Et, je veux dire, les sourcils aussi. Et troisième sorte de poils, les autres poils, les cheveux que Allah nous a donnés, et il ne nous a pas dit enlever-les ou les laisser-les. Cela, beaucoup de ulama disent, on est libre. Al-Muhim, voilà en ce qui concerne la barbe. En ce qui concerne le qamis et la chéchia, ce n'est pas obligé de les mettre. Celui qui les met, il a un ajr. Celui qui ne les met pas, ou ne peut pas, c'est difficile dans l'endroit où il est, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها parce que ce n'est pas obligé de les mettre. Mais quiconque ne met pas le qamis, s'il met un pantalon, il doit premièrement faire de sorte que le pantalon ne descende pas au-dessus des chevilles. Maximum, il arrête aux chevilles. Il ne descend pas plus bas. Deuxièmement, il doit être assez large pour que lorsqu'il fasse une inclinaison, on ne voit pas ses formes. On ne voit pas les formes de son derrière. Il faut qu'il soit assez large ou bien caché par une veste ou une chemise qui descend jusque sous son dos. Naam. Et le pantalon ne doit pas être quelque chose qui est spécialement pour les kuffars. Il y a des choses, certains pantalons, certains vêtements qui sont le signe des kuffars. Yani spécialement pour le kafir. Ces sortes de vêtements sont haram, soit pour l'homme, soit pour la femme. Si il y a un vêtement, lorsque je le vois, je le dis, subhanallah, ce vêtement, c'est celui du kafir. Celui-là, il est interdit de le mettre. Mais on peut mettre les vêtements normaux, qui sont répandus dans le monde, les vêtements des kuffars, une veste normale, un pantalon normal, tout ça, c'est permis bi-idhna azawajal. Il ne faut pas que ça soit une particularité. Naam. Même s'il y a tafadlali, Oum Siri, est-ce que... Elle est là, je ne sais pas. Pour ne pas perdre de temps, celui qui a appris, elle push. J'ai enlevé le point rouge. Naam. Abou Abdel Hakim, prépare-toi. Je ne vois rien, je ne sais pas ce qui se passe. Faqir Allah, réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si je suis déconnecté ou réconnecté.